be our guest. Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France, and a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We our guest, be our guest. Beef ragu, cheese soufflé, pie and pudding on flambé. We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret. You're alone and you're scared, but the banquet's all prepared. No one's gloomy or complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks. Put it all in perfect taste that you can bear. Come on and lift your glass, you've won your own free pass to be our guest. If you're stressed, it's fine dining, we suggest. Be our guest, be our guest, be our guest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd, un peu spécial puisque on recommence les hors-séries saga. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un. Le dernier qu'on avait fait, c'était en août 2015 pour la saga Mission Impossible. Donc ça commence à dater. Comme il y a une grosse sortie cette semaine, donc on est le 25-03-2017, j'ai pas dit la date à laquelle on enregistrait. Il y a une grosse sortie, c'était le film live adapté du film d'animation La Belle et la Bête de Disney. Eddie a donné l'idée, donc Eddie qui est là. Oui, salut. Comment vas-tu? Ça va. Donc Eddie nous a donné l'idée de faire un hors-série saga sur La Belle et la Bête, et j'ai trouvé que ça c'était une très bonne idée. Donc du coup, on le fait. Donc avant toute chose, on va dire quand même qu'on va pas parler de tous les films La Belle et la Bête, parce que sinon, on en aurait pour des heures. Et surtout, personnellement, j'avais pas envie de me taper les vieux films, et surtout la série avec Ron Perlman et... Ah oui, non. Ah oui, on parlera pas de la série Celle des années 90 avec 3 saisons. Enfin, ouais, je voulais pas me taper 3 saisons. Ah non, puis même, il y en a une plus récente là. Ouais, avec celle qui jouait dans Smallville. C'est pas Once Upon a Time? Bah, Once Upon a Time, ils l'ont forcément intégré dans leur univers. Ouais. Mais si, il y a celle avec l'héroïne de Smallville là. Oui. Je bloque, mais je vois Kristen Krug, je sais plus quoi là. Ouais. Ça a pas l'air terrible. Voilà. Il y a une vingtaine d'adaptations de La Belle et la Bête, ouais. Films et séries confondus. Le plus vieux date de 1899. Pour les frères Pathé. Ouais, c'est ça. Et on parlera pas non plus de Sortilège, que je n'ai pas vu. Bah, si tu l'as vu. Attends. Si, ce que je l'avais imposé. C'était celui-là, d'accord. Oui, donc non, on ne parlera pas de ce film. Parce que c'était horrible. Et bon. Non, voilà. Je crois que t'avais pas trouvé ça si pire que. Je m'étais tapé Dragon Ball et Spawn, donc à côté de ça, Sortilège, c'était du pain béni. Donc non, là, hors du contexte, Sortilège, c'est vraiment pas terrible. Donc on ne parlera pas non plus de ça. On ne parlera pas d'un film sorti en 2009 là, de David Lister, ça a l'air d'être La Belle et la Bête façon Van Helsing. Voilà, c'est ça. on va parler des principaux. Ouais. Le premier dont on va parler, ce sera La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Oui. Ensuite, La Belle et la Bête, le dessin animé de Disney. Ensuite, on parlera du film de Christophe Gantz, sorti en 2014. Et enfin, pour finir, on vous donnera notre avis sur le film qui est sorti ce mercredi, donc le 22 mars 2017, La Belle et la Bête, l'adaptation live du Disney, par Bill Condon. On va parler des principales adaptations. Différences et tout ça. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que chacun a leur différence et dans l'adaptation de l'histoire, donc c'est vraiment sympa. On commencera aussi, avant tout, par vous raconter le début, l'origine du conte. Et je crois qu'on a fait le tour. Et on finira par dire celui qu'on préfère parmi tous. Voilà. Ouais. Mais du coup, oui, les quatre adaptations majeures, quoi. Voilà, celles qui arrivent directement dans notre tête quand on parle de La Belle et la Bête. Bah, puis celles, oui, les plus connues, celles qui ont le mieux marché. C'est ça, ouais. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc, on va commencer du coup par donner un peu l'origine du conte. puisque moi je disais avant d'enregistrer à Eddie que j'étais assez surpris de voir que le conte ne, moi je savais que le conte, mes connaissances basiques du truc, c'était un conte français du 18e siècle, écrit par une femme, et c'est tout ce que je savais. Mais finalement, je me trompais pas mal. Puisque, Ce que là, en fait, la plupart des gens savent, je pense. Ouais. Et en fait, non, c'est plus vieux parce que on remonte. Comment on a dit tout à l'heure on remonte à travers les siècles, non, je sais ouais, pas. On remonte au deuxième siècle. Ouais, c'est avant c'est Jésus-Christ. Le deuxième siècle, ouais. Voilà, donc époque antique. Ouais. Et c'est, si je me trompe pas, c'est Apulé, donc ouais. Amour et Psyché, voilà. Mais par contre, les métamorphoses. Je suis pas sûr que ce soit le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est le deuxième siècle tout court. Du deuxième siècle. Deuxième siècle, oui. Oui. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, ça a été repris. Il y a une version qui a été reprise du folklore italien par Francesco Straparola en 1550. Qui publia dans ses Nuits facétieuses Le Roi Porc, donc deuxième conte, deuxième nuit, premier conte. Donc voilà. C'est là qu'on arrive après sur la version la plus connue. Voilà. Pas vraiment. Ah, en fait. Non, même pas. Ouais, parce que ça, c'est post. Là, on est pré-révolution avec Gabrielle Suzanne de Villeneuve. C'est ça, ouais. Qui reprend donc les éléments de. Parce que c'est normal, et en même temps, tout est logique parce que. Pleine période de la Renaissance, donc la Renaissance qui s'inspire beaucoup de l'époque antique. De l'Antiquité, ouais. Et du coup, les mythes reviennent à la mode, et du coup, c'est sûrement de là qu'elle tient, qu'elle a pris son inspiration pour écrire son recueil de contes, la jeune américaine et les contes marins. Voilà, c'est ça. Qu'elle a publié anonymement en plus. Oui, oui. Et ensuite, donc le conte que tout le monde connaît et qui est principalement adapté, c'est celui de Madame Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, son magasin des enfants en 1757, donc pas si longtemps après. Ouais, c'est ça. Et c'est sur cette version que toutes les adaptations se basent. Et elle supprima aussi dans le conte de Gabrielle Suzanne de Villeneuve il y avait apparemment une querelle avec des fées qui expliquaient l'origine royale de la bête. Elle a supprimé de ça la belle, de la belle, parce que du coup la belle via la bête. Voilà, c'est si la bête était vraiment un prince, et du coup la belle en se mariant avec devenait une vraie princesse ou pas. C'est ça, voilà. Et donc, c'est sur cette version que ça s'est basé. Mais l'histoire, à mon avis, là, on n'a pas tout. C'est juste rapidement sur Wikipédia, mais je pense que l'histoire fait partie du folklore humain depuis très longtemps, et ça s'est passé de génération à génération, un peu partout géographiquement. Il y a eu des modifications, bien sûr, selon les zones géographiques. Bah, le conte, c'est ça. Hein, de toute façon, c'est la tradition orale aussi. Donc, c'est ce qu'on raconte aux enfants, et après, c'est les contes des fins, tout justement Amour et Psyché, c'était pas des au deuxième siècle, c'était pas des choses qu'on lisait, c'était des choses que l'on racontait. Oui, oui. Et donc il y a aussi, on va raconter peut-être que il y a eu des hypothèses comme quoi l'histoire a été basée sur une histoire vraie, sur l'histoire de Pedro González, était né au XVIe siècle en Espagne. Et qui a été ensuite porté à la cour du roi de France Henri II, et qui en a fait qui a pris ce jeune pour l'éduquer, etc. Mais en fait, il souffrait d'hypertrichose, donc c'est une maladie très très rare qui fait en fait qui provoque une croissance anormale des cheveux sur le visage. C'est une maladie qui est aussi qui s'intègre aussi du coup au mythe des loups-garous. C'est ça, ouais. Et donc, il a été à Paris, il a été accueilli sous la protection du roi, et après a épousé une femme nommée Catherine. Donc voilà, certains racontent que c'est de là la base du conte qui a été réadapté, qui a été écrit. Mais l'amour au-delà de l'apparence, finalement. C'est ça, ça, voilà. Mais de toute façon, La Belle et la Bête, c'est vraiment un conte. Et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne si bien et qu'il y a tellement d'adaptations à travers les âges. C'est que c'est très universel, en fait. C'est ça. C'est une histoire extrêmement universelle, et tout le monde peut se reconnaître dans le conte. Et puis, disons que la différence qu'il a avec tout ce qui va être Cendrillon ou Blanche-Neige, ou même La Belle au Bois dormant, c'est que finalement, ça nous présente des princesses qui c'est sombre, La Belle au bois dormant, c'est très sombre, ouais, Blanche-Neige ouais, aussi. Mais ça nous présente des personnes qui veulent atteindre un bonheur pas superficiel, mais ouais, classique, le bonheur que tout le monde souhaite finalement. Oui, ouais. Alors que la belle de La Belle et la Bête va devoir apprendre à aimer la bête au-delà de ce qu'elle est, de ce qu'elle laisse paraître, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est en fait ce qui prône dans La Belle et la Bête, c'est la tolérance plutôt que le désir d'être heureux. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. On a fait un petit tour sur les origines du conte. Et on va maintenant, je vais te laisser la parole pour te dire comment tu as découvert le conte. Moi, je sais déjà comment tu as découvert le conte, puisque on sait que tu as un film. Dans ces cas, tu as un de tes préférés. Donc oui. Voilà. Donc je vais te laisser raconter comment tu as découvert le conte. Moi, c'est comme beaucoup d'enfants des années 90, c'était le dessin animé de Disney. J'avais juste un an quand il est sorti, mais je l'ai découvert après, et c'est vrai que, enfin, au même titre que Le Roi Lion, ça fait partie des premiers films d'animation que j'ai vus. Donc du coup voilà, moi c'est comme ça que je l'ai découvert, et au départ j'avais un petit peu peur parce que la bête était assez assez impressionnante, et un peu comme dans la version de Cocteau, j'avais eu peur aussi quand j'étais petit. mais la version de Cocteau a fait vraiment les jetons quand t'es petit. Space. Mais du coup, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Et après, du coup, en quatrième, quand on étudie les contes, le théâtre, la poésie, ma prof nous avait montré trois films. Les Misérables, la version avec Jean Gabin. L'une des meilleures pour moi. Oui, c'est une des meilleures. L'Avare, de Molière, mais réinterprétée par Louis de Funès. Oui. Moi, je la trouve bien parce qu'elle est accessible. Ouais, elle est sympa, ouais. Et du coup, La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ça avait été compliqué, La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Parce que du coup, c'est complètement différent du Disney. Ouais, c'est sûr que quand t'es habitué à le voir, à revoir sous forme, avec l'adaptation de Disney, quoi, qui est un scénario complètement, pas complètement différent, mais ça change beaucoup. Qui est très abordable. Voilà, c'est ça. Là, c'est complètement différent. Et après, j'ai suivi le truc, quoi, 2014 et 2017. Ok. Alors moi, je ne me souviens pas. Je suis sûr que je l'ai vu quand j'étais petit, mais en tout cas, je m'en souviens pas. J'ai une histoire assez amusante par rapport. Le film de Disney, je m'en souviens pas. Je suis sûr de l'avoir vu quand j'étais petit, mais il m'a pas marqué plus que ça. Je l'ai pas revu. Donc voilà, ce sera plus tard que je l'ai découvert, en fait, vraiment. Le film de Jean Cocteau, donc je devais être au CM2, quelque chose comme ça, et on nous avait emmenés au cinéma. Et le truc marrant, c'est que un jour avant, j'avais cassé mes lunettes. Donc je porte des lunettes de vue, pour ceux qui ne savent pas, et que je suis complètement myope. Et c'était à l'époque où on faisait pas une paire achetée, on vous offrait pas une deuxième paire. Donc du coup, j'avais cassé mes lunettes, on est allé au ciné, et je ne voyais absolument rien. Donc j'ai vu le film de Jean Cocteau complètement flou, au CM2, et donc voilà, c'était mon seul souvenir du film. J'avais pas passé un très bon moment, parce que je voyais rien du tout, et j'entendais juste le son, et le film est assez lent, déjà, je trouve, pour aborder pour des enfants, c'est peut-être un peu compliqué, je trouve. C'est ça. Qui sont pas très patients. Pourtant, il est passé sur Gulli cette semaine. Hein. Ouais. Mais non, mais donc demain soir, le dimanche. Mais bon, à mon avis, le podcast sera pas enregistré d'ici là. Non, je ne pense pas. Il sera pas monté d'ici là, mais il le passe en deuxième partie de soirée. D'accord. Ouais. Mais donc voilà, j'avais vu le film complètement flou et j'avais pas passé un très bon moment du coup. Mais après, je l'ai redécouvert il y a pas longtemps, il y a 2 ans, il me semble. Et j'avais vraiment adoré. Donc de toute façon, on va en parler juste après. C'est il y a 2 ans, peut-être bien qu'il était ressorti justement au cinéma en version remasterisée. Je l'ai pas vu au cinéma, malheureusement. Mais j'ai vu ici, chez moi. Mais voilà, donc on va en parler juste après. Tu as quelque chose à rajouter ou on passe Non, pas spécialement. Ok, d'accord. Donc on va passer tout de suite au film de Jean Cocteau. donc qui est sorti en France en septembre 1946, on a 29 octobre 1946 pardon, il y a eu la première au Festival de Cannes en fait en 46. Et le film a eu un très gros succès en France et à l'étranger, aux États-Unis aussi, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs américains qui sont fans du film et qui le citent souvent en tant que source. Alors, c'est Jean Cocteau, pardon, je suis désolé, j'étais en train de dire quelque chose. Donc le scénario et la réalisation, c'est de Jean Cocteau. On retrouve au casting Josette Day qui joue le rôle de Belle, Jean Marais qui joue deux rôles, donc La Bête et Avenant, deux rôles complètement différents, Michel Auclair qui joue Ludovic, Mila Parelli Félicie, Nan Germont Adélaïde, Marcel André qui joue le père, et puis après voilà, il y a un peu tout le village mais bon, c'est pas très intéressant. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est l'histoire classique en fait, c'est voilà, comment on pourrait dire ça, C'est celle, c'est certainement celle qui se rapproche quand même le plus du conte. Du conte, ouais. Ouais. Donc, enfin, on l'a pas lu, hein, juste pour dire, on n'a pas dit avant, mais enfin moi, mais, on bon, a pas lu le conte, mais on peut, ouais. Les grandes lignes du conte avec les fées, voilà, et tout ça. Là, c'est abordé, alors que dans les autres, c'est pas abordé, justement. Oui, complètement. Donc c'est pour ça que Cocteau reprend sûrement, il reprend en partie Madame le Prince de Beaumont et Madame de Villeneuve, du coup. Mmh. Oui, voilà, il a fait à sa sauce, quoi. Il a lu les deux contes et il a un peu mélangé le tout. Pour donner quelque chose d'assez cohérent. Et il va même plus loin, parce que du coup, tout l'univers visuel, il l'emprunte quand même beaucoup à la mythologie. Ah. Oui. Les décors et tout ça. Ouais, et niveau technique, c'est très... Ça emprunte beaucoup à l'expressionnisme allemand. Mm. Ça se voit directement, hein, quand on rentre dans le château de la Bête. C'est complètement Dr. Caligari et... Tous ces films d'expressionnistes allemands des années 20. Donc voilà. Tu veux commencer du coup pour donner un comme peu tu veux, comme tu veux. Moi, il n'y a pas d'importance. Ouais. C'est pas la version que je connais le mieux. Enfin, moi, je la ouais. connais, mais. Je l'ai vu. Je l'ai revu exprès il n'y a pas longtemps. Ouais. Moi, je l'ai vu qu'une fois, il y a 2 ans. Mm. Donc ça commence à faire un peu loin, mais c'est le seul que j'ai pas eu le temps de revoir. Mais je sais que, enfin, quand je l'ai vu, j'ai vraiment été, j'ai vraiment été surpris, parce que bon, partie de mon expérience passée avec le film, je partais pas avec de très bons a priori. Je me suis dit, il faut quand même le voir parce que c'est un classique et que tout le monde me dit, il faut absolument voir le film si tu aimes. À cette époque-là, j'étais pas encore non plus à fond dans le Disney, mais voilà, je voulais le voir parce que ça m'a l'air très intéressant. Et j'ai été vraiment surpris, que ce soit au niveau de la réalisation qui est splendide, qui est, comme je disais, en fait, le rythme est très lent et du coup, ça te met dans une stase comme ça. C'est un peu comme une transe. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça te met dans une transe et tu veux pas en sortir, en fait. Il t'attrape et après tu peux plus en sortir. C'est hypnotisant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le film est vraiment hypnotisant, que ce soit au niveau du jeu d'acteur, que ce soit au niveau des décors, de la réalisation, de la musique, qui joue un très grand rôle dans tout. Et le noir et blanc qui est splendide, hein, enfin. Et ce qui est marrant, c'est le début, avec le tableau. Oui. Où on écrit tous les noms des acteurs et enfin de l'équipe technique et tout ça. Je sais plus ce qu'il dit au début. Il a une phrase. Oui, là, il a un petit mot. Il met un petit mot Cocteau au début, comme quoi. Faut pas arrêter de rêver. C'est ça. Enfin voilà. Je me souviens plus vraiment. Mais faudrait le montrer à Durendal, d'ailleurs, ce mot. lui qui dans son vlog sur La Belle et la Bête est en train de dire que finalement c'est très con de devenir adulte et de continuer à rêver, et ben il ferait pas mal de revoir Sartre. Ça lui ferait un peu les pieds, parce que c'est complètement crétin de sortir des trucs comme ça. Et oui, c'est ce que Cocteau dit, quoi. Oui, que c'est que oui, en gros, il demande en fait à son public de garder l'esprit ouvert, voilà, et c'est ça, ouais, de vivre le film comme mm-hmm. lui l'a vu, quoi, donc comme un songe. En fait. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça, hein. Et enfin, faut rappeler quand même l'époque, c'est après la guerre, c'est voilà, c'est le public n'est pas très habitué à voir ce genre de film fantastique. Bon, il y en avait dans les années 20, etc., qui venaient d'Allemagne, mais français, enfin voilà, c'était pas quelque chose qui se faisait vraiment. Et surtout, bon, après la guerre, et pendant la guerre, il n'y avait pas ce genre de film, quoi. Donc, je pense que ça a fait vraiment un bien fou. Et c'est pour ça que le film a aussi bien fonctionné. Bon, déjà que c'est un très bon film, de base, mais qu'en plus, sortir un peu de tout ce marasme, ça devait faire un bien fou, j'imagine. Et puis même pour l'époque, une adaptation comme ça, qui soit visuellement aussi ambitieuse et... Et puis finalement, qui pas kitsch, parce que il y a un côté fantastique qui fonctionne toujours aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui marque aussi, quoi. Le maquillage est splendide, hein, le maquillage de la bête. Ouais. Ça, c'est vraiment une des plus belles, un des plus beaux maquillages. C'est sûr, aujourd'hui, on se dit, il ressemble à un gros chat, mais. Fallait les mettre, les post-it. Je suis désolé, je trouve le maquillage de la bête moins kitsch que les maquillages de la Reine des Singes, par exemple, les premiers. Hein, ah oui, oui, ouais, ouais. c'est complètement. Et pourtant, ils sont pas dégueux, mais. Non, non, non, mais. Ouais, mais. Mais non, franchement, cette bête-là, campée par Jean Marais. Qui est très bien en plus. J'adore cet acteur. La gestuelle, la voix, tout vit, quoi. Ouais, la voix, vraiment, elle te porte, elle t'embarque dans cet univers, c'est vraiment génial. Et puis la musique de Georges Auric, pardon, qui est hypnotisante aussi, qui est très lente et très envoûtante. Mais en fait, c'est vraiment, on te happe dans ce château, c'est comme la belle qui hante ses couloirs doucement avec ses rideaux qui volent, enfin c'est très très... Les bras qui portent les chandeliers, très onirique. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, c'était pas lumière. Hein. C'était pas lumière, non, non. Il n'y a pas la fête dedans. Ouais, c'était pas la fête. Ouais. Mais non, c'est vraiment excellent. Et puis, tous ces dialogues, envoûtants. Ouais, pour moi, quand je pense au film, c'est vraiment envoûtant, hypnotisant. Voilà, c'est les mots qui me viennent à l'esprit. Voilà. Tu veux rajouter des choses, j'imagine, peut-être. Bah, je dis oui et non. ouais. Bah après, c'est l'adaptation en elle-même, je pense qu'elle est réussie parce que en une heure et demie, Cocteau réussit quand même à faire transpirer tout ce qui est quand même la passion aussi de cette romance. Ouais. On ressent vraiment et pourtant c'était pas évident parce que moi je trouve que Josette Day est pas excellente en tant qu'actrice. Elle m'a pas dérangé. Ouais, mais après c'est un peu cette époque-là aussi qui veut ça, c'est que les acteurs avaient un jeu très théâtral. Le style d'acteur. Ouais, c'est ouais. ça. Et je trouve qu'elle est vraiment plus dans le théâtre que dans le film. Et après c'est pas gênant. Jean Cocteau qui vient du théâtre. Hein, en plus. Voilà. Et Jean Marais aussi. Je pense qu'il les dirige. C'est normal. Très théâtral. Voilà. Et du coup, je trouve qu'on ressent vraiment progressivement en fait cet amour qui naît entre les deux personnages. Ah oui, ouais. Et ça se fait bien parce qu'au départ c'est de l'attachement et après ça se transforme en autre chose et au final la répugnation laisse place à autre chose derrière et je trouve que ça c'est bien amené et c'était pas évident. Après au niveau du conte. Ce qui est intéressant, c'est justement dans cette version-là, elle s'écarte des autres qu'on connaît bien, parce que justement, la bête explique que si elle est comme ça, c'est parce que ses parents ne croyaient pas aux fées les fées se sont vengées sur lui, ils l'ont transformé en bête, donc. C'est vrai. Ça fait un peu maléfique, tu sais. Un peu, Qui. Ouais, bah peut-être que le film a été une source d'inspiration pour. Possible. Pour le. Oui, il n'était pas sorti, La Belle au Bois dormant. Non, c'est les années 50. C'est les années 50, La Belle au Bois dormant. Et du coup, c'est vrai que, du coup, amener le fait que la bête soit ce qu'elle est parce que ce sont ses parents qui ne croyaient pas à la magie. Ça pose la bête dans une position complètement différente. C'est plus c'est plus du tout le personnage qu'on connaît d'homme. Parce que là, dans les deux versions de Disney, que ça soit 2017 ou 91, c'était un prince arrogant surtout. Ouais. Et puis, dans 2014, il y a un peu de ça. Il y a de l'arrogance, mais il y a autre chose. C'est différent. Et après le choix de Disney est compréhensible parce que ça s'adresse pas au même public non plus. Mais je trouve que c'est bien aussi d'intégrer ça. Bah, du coup, ça le met sous forme. Enfin, c'est une victime en fait. C'est ça. Devient une victime. Ouais. Alors qu'à la base, il est juste. Enfin, il est victime d'un sort, mais il l'a cherché. Il l'a cherché. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'est pas responsable en fait de sa condition. Voilà, c'est ça. Ouais. Et sinon, c'est sûr en termes de. Visuellement, moi j'ai été assez bluffé par tout ce qui était transition aussi. Ah oui. La belle s'avance juste. Enfin, le fondu au noir se fait quand la belle arrive devant le cadre et après on la revoit partir dans l'autre sens. Ouais, ouais. C'est je trouve que pour l'époque c'est très intéressant. Et après oui, tout ce qui est décor, tout ce qui est décor avec les bras qui tiennent les chandeliers, les bras qui servent à table, tout ça. Enfin, il y a plein de tout est dans le détail. Et c'est vrai que quand on est petit, c'est un côté un peu effrayant. Moi, je me rappelle, ça m'avait marqué. La bête m'avait marqué, mais c'est les yeux aussi incrustés dans la cheminée, tout ça. Et tu te dis que les pauvres acteurs, ils ont dû endurer plusieurs prises comme ça, à rester complètement figés dans le décor. Ouais. Parce que tenir un chandelier à bout de bras. Ouais. Et chandelier allumé en plus. Ouais, en plus. T'es jamais à l'abri de te prendre une goutte de cire sur le bras. Ouais, c'est ça. Ouais. en fait, tout participe vraiment. Cocteau, on a vraiment fait une version où, que ça soit visuellement et au niveau de l'écriture, tout participe au fait que c'est un conte qui parle de tolérance, déjà d'une. Et c'est pas anodin finalement que ça sorte après la guerre, après la chute du nazisme. Qu'est-ce que je voulais dire? Et moi je trouve aussi que avec ce film-là, Cocteau rappelle aussi que le cinéma c'est fait pour ça aussi. Ouais, pour rêver. C'est ça. Parce que pendant la guerre on avait beaucoup de films, le néo-noir italien ou les choses comme c'est ça. C'était pas joyeux quoi. C'est des bons films, mais c'est pas le même style. C'est vrai qu'il y a vraiment, il y a aussi ça qui transpire, je trouve, dans le film. C'est que le cinéma, ça, c'est aussi pouvoir faire naître le merveilleux et le rêve dans l'esprit de tout le monde, quoi. Pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Je trouve que c'est très réussi. Et il y a beaucoup de maîtrise, il y a plein de choses à dire sur ce film, et c'est vrai que ce qui en ressort vraiment souvent, c'est la technique, c'est ce qui marque beaucoup, mais je trouve que tout, c'est un ensemble, quoi. Le jeu d'acteur, le scénario, la technique, c'est sûr tout fonctionne ensemble. En soi, l'écriture, elle est assez simple et classique, ouais. Mais dans les sous-textes et dans le deuxième niveau de lecture, il y a pas mal de choses intéressantes. C'est vraiment un film à découvrir. Et c'est pas long, ça dure 1h30. Oui, franchement, si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est vraiment un film à voir. Parce que c'est une partie de l'histoire du cinéma français. Ouais. Un bon film fantastique français, ça ne se fait pas tous les jours. C'est ça. Et vous pouvez en voir un qui date de 1946 et qui est très très bon. Et enfin, après, je pense qu'il faut quand même être attentif. Faut pas le voir fatigué, non, déjà de base, parce que c'est un film qui prend son temps. Voilà, il prend son temps. Il est très lent, mais faut trouver la beauté dans la lenteur. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on est. Moi, le premier, souvent, parfois on est rebuté un peu à l'idée de voir des films qui sont vraiment très anciens. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que c'est pas évident. On a beaucoup plus de facilité à regarder un film récent. Oui, ça dépend. Ça dépend desquels, mais moi je sais que souvent, au-dessus des années 60, ça devient. D'accord. Des fois, c'est compliqué parce que je sais que c'est un style qui est complètement. Différent. Mmh. Après, je le fais et souvent c'est des bonnes surprises, donc tant mieux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de se mettre à faire ça, mais parfois faut se forcer. Comme le dit quelqu'un que je connais bien, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. et c'est vrai que ça donne lieu à des belles découvertes. Et franchement, celui-ci est à voir. Ah oui, absolument. Donc voilà. On ne peut que vous le conseiller. Et maintenant, on va passer directement au film de Disney. Donc on passe de 1946 à 1991. Enfin, gros bond dans le temps. Et du coup, film d'animation. 30e classique d'animation des studios Disney et 39e long métrage d'animation. Oui, parce qu'ils ont des classifications spécifiques chez Disney, c'est un peu compliqué à suivre. Mais bon, j'ai dit que j'avais 2 ans quand il est sorti. Non, tu as dit 1 an. 1 an, oui, non, mais même pas avais, du coup. Tu avais 0. Je partais sur mes 1 an, oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Je suis né en 91, donc oui, n'importe quoi. Oui. Bon, c'est pas grave. Du coup, réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise. Donc il y a pas mal de monde au scénario, je vais pas tout dire parce que il a été beaucoup remanié. Hein. Comme toujours chez Disney, c'est au scénario, c'est extrêmement... Il y a même eu dans le scénario, il y a même eu Linda Wolverton ou je sais plus quoi, celle qui a scénarisé en partie Oui, Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Elle a fait la supervision du film, donc oui, c'est ça. Mais ses idées n'ont pas été gardées. Ah, mais elle a fait le scénario de Mulan et du Roi Lion. Oui. Donc ça va, là, c'est pas... Après, elle a fait Alice Maléfique et Alice 2. C'est, voilà. Oui, c'est bizarre. mais voilà, donc sorti le 13 novembre 91 aux États-Unis, mais par contre le 21 octobre 92 en France, donc du coup je pense que t'avais quand même enfin voilà. Avec, alors par contre au niveau des acteurs, ça va être compliqué parce que moi personnellement je n'ai jamais vu en français. Ah oui, je l'ai vu qu'en anglais. D'ailleurs je parlerai de mon expérience avec le live, donc justement que je voyais pour la première fois en français, dont les chansons en français, donc je vais rapidement dire pour les voix originales et après les voix françaises. Paige O'Hara pour la Belle, je commence en version originale. Robbie Benson pour la Bête, Richard White pour Gaston, Jerry Orbach Lumière, David Ogden Stiers qui joue Big Ben et qui joue le narrateur aussi, Angela Lansbury pour Madame Samovar, c'est ça en français? Ah non, attends. Mrs. Potts en anglais et ouais, Madame Potts, Samovar en français. Ouais, voilà. Bradley Pierce pour Chip ou Zip en français. Zip en français. Rex Everhart pour Maurice. Voilà. Et en français, c'est Bénédicte Lécroart. Qui joue Belle. Emmanuel Jacomi pour La Bête. François Leroux pour Gaston. Daniel Beretta pour Lumière. Jean Amadou pour le narrateur. Le narrateur et Big Ben, c'est pas la même personne. Georges Berthomieux pour Big Ben. Lucie Dolène pour Madame Samovar. Et Georges Aubert pour Maurice, Clarence Le Prévost pour Zip, Jean-Claude Corbel pour Le Fou, enfin voilà, voilà. Et Madame Samovar, elle a eu un redoublage en 2002. D'accord. Ouais, Lily Baron. Pour l'adaptation pour en DVD ou... Oui, pour le portage sur le DVD, ouais. Et du coup, c'est pareil sur le Blu-ray. Ouais. Donc okay. Moi, j'ai plus la... Hein ? Pourquoi, du coup ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et c'est vraiment que elle, parce que c'est vrai que sur d'autres films... Bon, Blanche-Neige et tout, ça a été redoublé, mais... Je trouve ça vraiment dommage. Hein. Mais je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a eu un problème, peut-être que la... Ils ont perdu les bandes ou... Je sais pas. Lucie Dolène est peut-être décédée, je sais pas du tout. Non, mais, enfin, c'est bizarre quand même. Non, elle a 85 ans, ou alors elle était peut-être trop âgée, ou je sais pas. Ouais. Problème de voix, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment que elle, Ouais, parce qu'il y a une personne, du coup, qui la double pour le chant. Le chant, et une pour les paroles, ouais. Ouais. Donc c'est Christiane Legrand pour le chant de Madame Samovar en français. Voilà, donc ça commence à devenir très compliqué, hein. C'est ça. Voilà. Moi je vais peut-être te laisser commencer du coup, puisque c'est quand même un de tes films préférés. Oui. Voilà. La Belle et la Bête version Disney, donc c'est une version beaucoup plus abordable forcément. Oui. Donc toujours dans cette même mouvance de prôner la tolérance plutôt que le bonheur. Belle le dit elle-même, elle veut vivre sa vie, mais c'est pas forcément en se mariant ou en ayant des enfants, ce qui est encore plus appuyé dans la version 2017, on en parlera tout à l'heure. C'est un esprit libre, quoi. Belle, elle est, ouais. C'est ça. Et du coup, parce que du coup, elle refuse ses avances de Gaston. Gaston, qui est un petit peu, du coup, la version Disney de Avenant, la version Cocteau. Ouais, voilà. Mais sauf que, oui, si. Avenant et Gaston ne sont pas dans le conte à l'origine. Ouais. Ouais. Donc c'est là que du coup Disney adapte lui donc le conte de Madame le prince de Beaumont, ouais. En grande partie en reprenant des éléments de Cocteau. De Cocteau, ce qui est pas surprenant parce que le film est une référence. Ouais. Donc voilà, Disney adapte en partie le conte et reprend de l'adaptation déjà faite. Mais c'est normal. Si vous êtes perdu maintenant, attendez 2017. Hein. C'est ça. et du coup, oh mais non, mais Christophe Gans ne reprend rien du Disney. Hein. Il l'aime pas. Non, donc... Oui, non, mais la scène de danse. Oui. Il a beau dire qu'il l'aime pas. Bon. Voilà. donc du coup, on va pas retrouver les éléments tels que les fées, les choses comme ça. On va juste avoir l'enchanteresse au début qui va transformer le prince. C'est ça. Donc toute cette magnifique scène là d'introduction avec la narration et sur les vitraux. Ouais. Les vitraux du château. Un classique, hein. Oui. Chez Disney, ça c'est. Avec la musique d'Alan Menken. Ah oui, qui est inoubliable. Et les paroles de Howard Ashman en version originale. Oui. Je ne sais pas qui c'est qui a traduit les paroles, mais un très bon lyriciste qui avait déjà fait les paroles pour La Petite Sirène. D'ailleurs, rappelez un peu l'histoire de Disney à cette époque-là. Oui. Disney était dans une merde pas possible avant la sortie de La Petite Sirène en 89. C'est ça. Ils étaient vraiment au plus bas et leur plus gros succès c'était Mary Poppins qui datait des années 60, 61, quelque chose comme ça. Et donc, c'est leur grosse période creuse où ils ont pourtant sorti des bons films. Ils ont fait des bons films. Même le tout dernier, il y avait Rooks et Rookies, il y avait aussi d'autres choses. Il y avait Robin des Bois, il y avait Merlin l'Enchanteur. C'est ça, ouais. Il y a des films qui sont. Tara, mais le chaudron magique qui avait pas marché, mais qui est pas si mauvais que ça quand même. Il est sympa, ouais, il est sympa. Il y a des films qui sont des classiques aujourd'hui, qui sont considérés comme des classiques aujourd'hui, mais qui pour eux n'étaient pas très. Qui n'avaient pas fonctionné. Pas très quoi. Bien, voilà, au niveau box-office, etc. Donc voilà. Je sais plus. Oui, donc voilà, La Petite Sirène est sortie, c'est ce qu'on appelle le deuxième âge d'or de Disney. Bah, en 89. Débute à partir de La Petite Sirène. Voilà, c'est ça. Et puis le film qui suit après, c'est juste La Belle et la Bête. Donc, quand même, entre 89 et 91, ça se voit qu'ils ont bien bossé sur La Belle et la Bête parce que c'est déjà magnifique visuellement, mais ça, on en parlera après. Mais voilà, je te laisse continuer. Donc, du coup, l'âge d'or de Disney, enfin, le deuxième. C'est le troisième. Non, troisième âge d'or. Parce que là, on est dans le quatrième. Ouais. Il me semble. Attends. Il me semble. Je sais plus, parce que pour moi, il y a un âge d'or qui date début Blanche-Neige, Pinocchio, Blanche-Neige, et puis, Dumbo, machin. Ouais. Et puis après, moi, je vois que... Il y a eu une période plus creuse pendant la guerre où il y a eu les trois cavaliers roses, tout ça. Après, c'était creux. Après, ça a repris avec Cendrillon. Ah oui, Cendrillon, Mary Poppins. Cendrillon, Mary Poppins. Donc, troisième âge d'or, La Belle et la Bête. Mais La Belle au Beau Dormant n'a pas marché, mais il fait partie quand même... Et La Belle et le Clochard. Voilà. Je voulais juste le dire parce que c'est un très bon film. Ouais. Donc du coup, troisième âge d'or pour Disney avec La Belle et la Bête. Voilà, c'est ça. Avec La Petite Sirène, puis La Belle et la Bête. Alors là, c'est la consécration parce que c'est quand même, et ça c'est pas rien, c'est le seul film d'animation qui a été nommé aux Oscars. Oui, et qui a été... En tant que meilleur film. C'est ça, surtout. Parce que les films d'animation sont nommés à l'Oscar du meilleur film d'animation, mais lui, il a été nommé à l'Oscar du meilleur film. Et ça, c'était du jamais vu, et ça s'est pas reproduit depuis. Ouais. Donc, c'est dire à quel point le film a fonctionné. Est-ce qu'il y avait déjà l'Oscar du film d'animation ? Je sais plus. Je sais pas si. Non, mais. C'est pas une vieille catégorie, ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas une histoire de. Justement, à cause de cette histoire, ils ont créé l'Oscar du film d'animation ? C'est possible. Je vais vérifier pendant que tu parles. Mais je t'en prie. Donc du coup, cette version est plus abordable. Elle reprend la version de Madame le Prince de Beaumont, en s'inspirant un petit peu de Cocteau aussi. Oui. Et du coup, on nous présente vraiment Belle comme quelqu'un de libre, qui va se retrouver, finalement qui va se sacrifier pour son père, Donc là, son père n'est plus un marchand, mais c'est un inventeur. Donc il y a un inventeur qui va partir pour la ville pour présenter sa dernière invention, sauf qu'il va tomber, il va être forcé d'entrer dans le domaine de la bête, la bête va le séquestrer, ouais. Tout simplement. Donc là, il n'est pas histoire de rose. Il est histoire de rose concernant le sortilège, mais dans ce film là, Belle ne demande pas de rose à son père. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et du coup la bête le séquestre, et c'est Belle qui va en retrouvant le cheval de son père qui revient au Vercaille, va se rendre au château de la bête et se sacrifier à la place de son père, et du coup la bête va la garder en otage. Et du coup tout part de là. Alors, il me semble que c'est surtout sur cette version qui est aussi née cette fameuse rumeur de La Belle et la Bête. C'est pas juste un amour de tolérance, c'est surtout le syndrome de Stockholm. Alors moi, je suis pas fan de cette théorie. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux, ouais. Alors oui, c'est sûr, la Belle tombe amoureuse de son tortionnaire, mais bon, la Bête n'est tortionnaire que. Et puis en plus, elle est confinée au château, mais oui. elle bouge quand même. C'est une cage dorée, quoi. Enfin voilà, c'est ça, ouais. Donc elle a accès aux livres et tout, mais elle est pas si malheureuse que ça, hormis le fait qu'elle ne voit pas qu'elle son père. Pas voir son père, ouais. Sa vie ne lui, enfin lui convient quand même assez bien au sein du château de la bête. Après c'est voilà, juste le manque de son père. Et du coup, les deux vont apprendre à s'aimer comme ça, mais c'est sans compter sur évidemment Gaston qui courtise Belle et qui va apprendre la connaissance de la bête et qui va se mettre en tête d'aller tuer la bête. Contrairement justement à la version de Cocteau, on sait pas trop si Gaston est juste animé par son désir de vouloir se marier à Belle ou si quand il décide de tuer la bête, c'est aussi pour la gloire derrière. On sait là, pas. Ouais, on s'est pas vraiment expliqué. Hein. Non. Puisque d'abord, il ne croit pas à l'existence de la bête. Il veut le jeter. Il met en place tout un plan assez machiavélique pour jeter Maurice chez les fous. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour que Belle accepte de l'épouser, ce qui est quand même assez débile. Mais Gaston est complètement c'est con. Gaston, hein, voilà, animés, c'est Gaston. Ça montre aussi. Moi, ce que j'aime bien avec le personnage de Gaston, c'est que ça montre un peu ce que quelqu'un de charismatique peut amener les gens à faire. Disons que Gaston, c'est un peu Donald Trump. C'est un abruti, mais qui est capable de mener les foules, quoi. Du coup, c'est vrai que dans le film, c'est complètement ça. Hein. C'est un idiot. C'est un analphabète vulgaire et primaire. C'est Belle qui le dit. Mais du coup, oui, c'est ça. C'est un idiot, mais il a tout le village à ses pieds. Ouais. Et du coup, il arrive à mener tout le monde un peu à la baguette. Parce que tout le monde aime Gaston, le plus beau c'est Gaston. Oui, voilà, c'est ça. et c'est vrai que le film est magnifique parce que, à mes yeux, c'est vraiment l'un des Disney qui montre justement que Disney ne s'adresse pas qu'aux enfants. Il y a vraiment tout pour les enfants. Il y a les objets animés, il y a les chansons, il y a plein de choses, il y a de l'humour. Qui peut être très enfantin, mais pareil, qui a plein de sous-textes. Et à côté de ça, il y a tout un second niveau de lecture où justement, comme tu dis, oui, on voit que, par exemple, oui, tu parles du personnage de Gaston. Un enfant va pas forcément repérer ça, mais ça, c'est pour les adultes, quoi. Et je trouve que La Belle et la Bête est vraiment dans cette tendance-là, c'est qu'il montre vraiment que Disney s'adresse à toute la famille et à tous les âges surtout. Pour moi, c'est vraiment un excellent film d'animation. Les chansons sont parfaites. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une mauvaise chanson dans le film. On va parler. Toi, tu parles des. Je sais pas si t'as déjà écouté les versions en anglais. Non. Je l'ai jamais vu en anglais. D'accord. Parce que c'est vrai que ça fait partie de ces films que je connais vraiment trop bien en français. Ouais, ouais, ouais, ouais. Alors que la version 2017, j'aimerais bien la voir en anglais. Ouais, moi aussi. Ouais. Parce que la version française, ouais. On en reparlera. Ouais, ouais. Mais du coup, moi, je trouve que toutes les chansons sont bien. Elles ont tout un sens. C'est pas juste. Même c'est. Juste pour faire une chanson. C'est sûr, la plus légère, c'est peut-être c'est la fête. Ouais. Mais elle fait du bien. Puis elle est géniale. La séquence de c'est la fête. C'est... Ouais, c'est complètement. Enfin, d'ailleurs, je parlerai un peu rapidement après d'avoir parlé du film 91, de l'adaptation en comédie musicale de La Belle et la Bête, le musical qui est le premier fait par Disney, parce que justement tout le monde était tellement enthousiasmé par les numéros musicaux du film que tout le monde disait mais il faut absolument qu'il fasse quelque chose sur les planches de théâtre, quoi, parce que c'est en plus ce qui est marrant au niveau des chansons, tout ça, c'est vraiment des hommages à Broadway, tout ça. C'est la fête, ou Be Our Guest en anglais. C'est complètement un numéro over the top de Broadway, avec des gens qui font des claquettes, qui lèvent la jambe et tout ça. Enfin, c'est vraiment le numéro classique de Broadway, et il y a plein de choses comme ça. Enfin, pour moi, les chansons aussi sont parfaites. Les paroles, elles sont vraiment justes. En plus, je sais pas s'il y a vraiment des jeux de mots en français, mais les jeux de mots en anglais, ils sont vraiment très très travaillés, je trouve, et ils sont très. La version française est très très bonne. Hein. Ouais, mais j'ai été assez surpris en écoutant le film, parce que bon, je m'attendais à quelque chose. Ah, mais c'est pas du tout. En fait, la version de 2017, les paroles sont pas toutes pareilles. D'accord. Les paroles. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de. Mais La Belle et la Bête, le film de 91, la version française était très. Enfin, c'était les années 90. C'est quand on faisait. Il y avait pas encore les sorties mondiales. Du coup, on prenait le temps de bien travailler les doublages et de faire de bonnes versions. Et c'est vrai que ça soit au niveau des, enfin l'histoire éternelle, elle est magnifique, hein, la chanson. Mais même c'est la fête, c'est tout un hommage à la France, quoi. C'est la gastronomie, théâtre, c'est le Moulin Rouge, c'est tout, quoi. Ouais. French Cancan, tout ça, et du coup c'est très très bien. Donc les chansons sont excellentes. Parfait. Ouais. L'animation. Il n'y a pas une de mauvaise. Hein. Enfin. C'est ça. Même celle qui est rajoutée dans la version longue. Oui. Humain à nouveau, elle est très bien. Ouais. Elle est très très bien. Donc après, je savais même pas qu'elle était rajoutée, tu vois. Si, elle est pas dans la version d'origine. Cinéma. Ouais. D'accord. Pourtant, elle s'intègre bien au montage, je trouve. En fait, c'est là où on voit que la bête ne sait pas lire. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas mis, parce que, je sais pas, mais. C'est là qu'on comprend, que la bête ne sait pas lire. C'est pour ça que ça m'a choqué, en fait, de voir la version 2017 où il a un bouquin. Elle sait lire. Ouvert. Ah bon, il sait lire. Ouais, mais en fait, oui, c'est que, nous, on connaît tellement la version en version longue du dessin animé que du coup, on n'est pas habitué à ça, mais dans la version cinéma, c'était pas précisé. Et du coup, au-delà des chansons, après, c'est toute l'animation. Il y a un énorme travail au niveau de l'animation. Donc c'est pareil, les premières 3D. Incrustations 3D, oui. Alors toute la avec scène la participation de Pixar. Oui. Donc toute la scène de justement l'histoire de éternelle, danse. La scène de danse. On voit que c'est de la 3D. Oui, ouais. Ça, maintenant on voit, mais ça vieillit, c'est pas non plus très choquant. Mais c'est pas moche, c'est de la belle 3D. C'est pas de la 3D comme on a pu voir dans les films de Don Bluth. Où il a commencé, mais plutôt, je pense à Titan AE, tout ça. Alors le film est super, mais par contre il y a des séquences en 3D où c'est compliqué. Peu, Anastasia, tout ça. Et ça fait un peu mal aux yeux maintenant. Un petit peu. Et du coup, l'animation est très très belle parce que les dessins traditionnels sont excellents. Hein. Les couleurs, les expressions des personnages, le mouvement des lèvres, enfin tout est parfait. Donc on comprend de toute façon pourquoi le film a été nommé à l'Oscar, hein, c'est que là, que ça soit technique, que ça soit écrit ou que ça soit chanté, enfin tout fonctionne bien dans ce film-là. Ouais. Moi à mes yeux, c'est vrai que mon film d'enfance c'est Le Roi Lion, mais j'arrive pas à le départager de La Belle et la Bête. C'est très dur. Hein. Ouais, c'est vraiment le Disney qui m'emporte à chaque fois, et je peux le revoir, je le connais par cœur, hein, mais je m'en lasse pas, je trouve qu'il est vraiment c'est pour moi c'est le Disney parfait quoi, avec ouais, souvent on parle de oui Blanche-Neige, alors Blanche-Neige c'est magnifique aussi, mais La Belle et la Bête ça a vraiment marqué il a vraiment marqué Disney aussi comme ça quoi. Pour moi ça fait vraiment partie de ces films qui sont indétrônables. Mmh. Oui, oui, bah oui. Je pense quasiment, enfin, exactement la même chose en fait. le film, j'ai découvert quand même un peu plus tard. Hein. Je reviens juste rapidement. On avait parlé des deux Oscars d'animation, j'ai justement trouvé. Donc en fait, comme il n'y a eu que trois films qui ont été sélectionnés dans la catégorie meilleur film, meilleur film tout court, mais qui étaient des films d'animation, donc La Belle et la Bête, Là-haut et Toy Story 3. Mais la catégorie meilleur film d'animation a été créée en 2002. Parce que l'Académie a regretté de ne pas pouvoir mettre Chicken Run dans l'Oscar du meilleur film en 2001. Donc du coup, c'est pour ça qu'en 2002, ils ont mis, et c'est Shrek qui a gagné en face de Monstres et Compagnie, ce qui est un peu honteux quand même, parce que Shrek, c'est très bien, mais Monstres et Compagnie, voilà quoi. C'est quand même beaucoup mieux. Mais voilà, c'était juste pour le point historique. Voilà, La Belle et la Bête, le Disney, moi, je l'ai découvert quand même assez tard, il y a un an et demi à peu près, même un petit peu plus quand même, mais ça fait pas très, très, très loin. Et j'ai adoré dès la première fois que je l'ai vu. Là, je l'ai revu juste avant, pour la deuxième fois, et j'ai encore adoré, mais j'ai encore plus aimé en fait. C'est vraiment un film parfait, hein. Pour moi il dépasse pas c'est dur de les départager, parce que enfin j'ai une liste des meilleurs films Disney et j'arrive pas à le mettre au-dessus du Roi Lion ou de même de Zootopie. Mais voilà, c'est compliqué, il est juste voilà, c'est très compliqué, mais ouais. Il est juste en dessous, mais ils sont tous égaux dans mon cœur. Donc voilà. Les Disney, moi j'ai du mal aussi à les classer. Ouais ouais. Mais moi le pire c'est que ma liste elle change à chaque fois que je vais dedans, je me dis putain celui-là il devrait être au-dessus, celui-là il devrait être j'arrive pas. Pourquoi ils avaient pas la place numéro 1 pour tous et voilà. Donc La Belle et la Bête c'est vraiment rien que l'animation, moi j'adore les films d'animation et c'est un film parfait en termes d'animation, au terme des personnages, des expressions, comme tu disais, des petits, enfin de lumière, de Big Ben, etc. Il y a toujours quelque chose. Tous les personnages sont intéressants. Ouais, ouais. Même les personnages secondaires. L'humour est génial aussi dans le film. Ouais, hein. Ouais, ouais. Pour moi, un truc que le film de 2017 a réussi, c'est à rendre une personnalité à Le Fou. Oui. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais je trouve qu'il est plus intéressant dans le film de 2017 que dans le film d'animation, même si je l'adore. Après, c'est pas parfait. Enfin, je trouve que Josh Gad a un petit défaut d'interprétation, c'est un peu trop poussif. Mais le personnage en lui-même est... C'est peut-être la version française. Peut-être. Ouais. Parce que ouais, moi j'adore Josh Gad. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Enfin, un acteur que j'apprécie énormément et... donc on en reparlera après, mais voilà, tous les personnages secondaires et principaux sont superbement animés, les décors, la pluie sur le combat final. C'est ça, ouais. Mais on n'a jamais vu une aussi belle pluie, même dans La Belle et la Bête. La séquence de la transformation à la fin aussi. Ouais, ouais, la séquence de transformation. Mais pour moi, le pinacle de l'animation, c'était La Belle et Clochard, la séquence sous la pluie, et même Pinocchio. Et La Belle et la Bête. Séquence sous-marine dans Pinocchio, ouais. Ouais. Et ils arrivent à surpasser ça dans La Belle et la Bête avec le combat final contre la Bête et contre Gaston. Et la pluie, elle paraît vraiment réelle, quoi. Elle bouge différemment. Alors que normalement, c'est juste, en technique d'animation, c'est juste un aplat, quoi. C'est juste un calque qu'on fout par-dessus et qu'on remet. Mais là, elle paraît vraiment super réelle et ça fonctionne encore très très bien aujourd'hui. Ouais. Enfin, pour moi, le combat final de La Belle et la Bête, c'est une des meilleures scènes d'action de tous les films Disney et même tous les films confondus en fait. C'est vraiment une très très bonne scène d'action qui a juste le dosage parfait entre action, émotion, animation, enfin voilà, c'est... Et musique aussi, la musique est de Alan Menken qui est un dieu de la musique chez Disney. Ah oui, c'est parfait. Façon. Enfin, lui, c'est ouais. Clair. Ouais. Donc voilà. Bah, disons que Disney, à son meilleur, rend hommage au plus beau des contes, quoi. C'est un peu ça. C'est hein. Ça. Complètement. Complètement. C'est vraiment un de mes films préférés maintenant. Je regrette pas de l'avoir vu. Bah, ceux qui. Bon. Je sais pas s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, qui n'ont jamais. Bah, justement, en parlant de gens qui n'ont jamais vu La Belle et la Bête, parlons de Morgane. Morgane. Qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Morgane qui a détesté la version 2017. Hein. Oui, et qui n'a jamais vu... Seule référence, c'est la version de Christophe Gans. Donc, Momo, ouais. Là, c'est pas bien. Là. Non, mais qui n'a jamais vu le Disney, mais il n'a non plus jamais vu la version de Cocteau. Ah oui. Donc, voilà. Il a vu Sortilège. Bon... En fait, il a vu les pires. C'est ça. Le pire de. Non, ça va, il a pas encore vu la série. Enfin, je sais pas s'il a vu la série ou des trucs comme ça. Je sais mais... pas. Voilà, non, mais bon. Si vous n'avez toujours pas vu La Belle et la Bête, que ce soit le Disney ou le Cocteau, c'est pour... Enfin, on va pas cacher nos résultats. Alors, disons pour la qu'on peut pas être cinéphile mais... sans avoir vu la version de Cocteau. C'est pas possible. Ouais. Il y a des films comme ça qu'il faut voir quand même. C'est, ça, ouais. C'est la moindre des choses. Mm. Et on peut pas être fan Disney sans avoir vu La Belle et la Bête. C'est pas possible même, non plus. Non, même moi je trouve que en termes de cinéma, c'est un film important. Oui, hein, oui, c'est... oui, oui, oui. C'est vraiment un film important. Pas juste cinéma d'animation. Ouais, ouais, tout court. C'est vraiment un film très important pour que ce soit. Oui, mais déjà. Moi, j'irais même plus loin en disant que Cocteau, le film de Cocteau, c'est une pierre angulaire du cinéma. Point. Oui. Point. Et La Belle et la Bête version Disney, c'est pareil. Ouais, ouais. Mais oui, c'est ça en fait. En plus, on peut se dire, ouais, on va voir deux fois le même film, mais en fait, non, pas du tout, parce que c'est. Ah non. Le scénario est vraiment différent, l'approche est différente, les sous-textes sont différents aussi, enfin voilà. Ah oui, j'ai pas parlé de la bête aussi, qui est. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures bêtes dans cette version. C'est la plus belle bête, moi, je trouve. Ouais, ouais, ouais, ouais, moi aussi. J'avais un peu de mal à départager entre celle de Cocteau et celle-là, mais. Le fan d'animation que je suis envie de donner la récompense à celle-là, donc voilà. Mais c'est splendide et ce que je voulais. Bah, c'est un mix de toutes les images qu'il y a eu de la bête. Enfin, il y a eu l'image du sanglier, le cerf, le loup, le lion, et du coup Disney ils ont fait un gros mix de tout. Ils auraient pu être n'importe quoi. Ouais. Et ouais. En fait non, c'est il a un côté terrifiant et majestueux à la fois. Ouais, oui. Et comme il se déplace à quatre pattes, etc. Enfin, c'est splendide. Hein. Ouais. La cape derrière et tout ça. Enfin, ouais. C'est vraiment majestueux. La voix, les rugissements, tout ça, c'est vraiment bien. Et puis voilà. Sinon, bon, on a déjà parlé des chansons, mais les chansons sont magnifiques. Et puis, je crois que on n'aura jamais fait. Ah bah moi, je pourrais parler de La Belle et la Bête. Ouais. Vraiment. Ouais, voilà. Mais bon, on a encore deux. Bah tiens, justement, je vais dessus. Un lion, un buffle, un sanglier, un gorille, un loup, un ours. Voilà. Voilà. C'est quand même quelque chose. Il a été dessiné par 6 animateurs. Ouais, ouais. Non, mais ça m'étonne pas, hein, parce que c'est. Ouais, ben voilà. C'est... D'ailleurs, ben, il a eu. Il a eu l'Oscar en 92 de la meilleure musique et de la meilleure chanson originale pour Beauty and the Beast. Donc, c'est quoi le truc? C'est Histoire éternelle. Histoire éternelle, ouais. Ouais, voilà. Donc, ça m'étonne pas. voilà. Moi, je voulais juste rapidement passer sur le musical qui était à Broadway, qui a fait le tour du monde vraiment. Bah, qui se joue encore normalement. Oui, ouais, qui se joue encore, qui est passé par Paris en 2013, il me semble que. Oui. Enfin, oui, il était traduit en pas mal de langues. Voilà. Donc. Ils ont dû aller en Angleterre aussi, je crois. Oui, oui, il y a eu. Bah, de toute façon, au niveau des albums du cast, il y a celui de Broadway et celui de Londres. Et il y a aussi en Espagne qui est très très. En Espagne, c'est énorme. C'est encore plus énorme quand. Il y a eu 3 albums espagnols juste pour cette. Ah oui. Ouais, ouais, ouais, parce que. Mais j'ai pas vu le musical. Mais enfin, je l'ai pas vu parce que malheureusement, je peux pas. Enfin, il y a aucun moyen de le voir. Si on n'est pas dans les grandes villes où ça passe ou machin, mais j'ai écouté l'album et pour moi il y a vraiment j'aime beaucoup le musical, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai pu écouter déjà de chez Disney mais tout court en fait. La Belle est jouée alors maintenant j'ai perdu le voilà. La Belle est jouée par Belle pardon pas la Belle est jouée par Suzanne Egan qui jouera Megara dans Hercule, Elle a une voix très spécifique, en tout cas en anglais, je sais pas en français, mais oui. Et ça fait bizarre de l'entendre, mais en même temps je trouve qu'elle est parfaite pour le rôle de Belle, parce qu'elle a, enfin, pour Megara dans Hercule, elle change un peu sa voix pour donner quelque chose d'un peu plus un peu, enfin, cynique comme ça, c'est un peu plus Megara, oui, ouais, voilà. Et mais en Belle, elle est parfaite. Et enfin, moi j'ai écouté que l'album original de Broadway, mais voilà, c'est les chansons supplémentaires sont très très bonnes. If I Can't Love Her, il y a Me, une chanson que pour Gaston. Bah, c'est Gaston If I Can't Love Her, c'est un peu la version de Evermore, ouais. dans le film de 2017. Ouais. Je l'ai pas écouté en anglais, mais la version. Elle est très belle en anglais. Ouais. Et par contre, moi, ce qui m'a énormément surpris. Alors, je suis plus sur la version de 91. C'est que la bête, que ça soit en version anglaise ou en version française pour le film sorti là cette semaine, il c'est quasiment la même voix. Ouais, c'est vrai. C'est hyper impressionnant. C'est le même timbre. Ouais. C'est à croire que le doubleur anglais, il parle français couramment et qu'il a doublé en français. Ça. Non, mais c'est assez fou. Pas le doubleur anglais, mais non, c'est Dan Stevens, je suis con. Bah oui, c'est lui qui chante. Oui, c'est lui qui chante. Bah oui, c'est tout, ouais. Tout le monde chante, je suis. Oh là là. C'est pas grave. If I Can't Love Her, qui est une très très belle chanson. Me, qui est une chanson chantée par Gaston sur Gaston. Donc c'est la meilleure idée du monde. Parce que c'est pas juste. Il y a un petit côté Alain Delon, hein, Gaston. Ouais, c'est pas juste la chanson de Gaston où c'est le fou qui chante les louanges de Gaston, etc. C'est vraiment, où je suis le meilleur, etc. Et c'est très très marrant. Maison des Lunes, Human Again, qui est repris dans la version de Broadway. Et enfin, il y a plein de super belles chansons, donc moi je conseille. Le souci avec ce genre de. Avec les comédies musicales anglaises, c'est que pour apprécier vraiment tout ça, il faut un peu parler anglais. Et d'ailleurs, les chansons supplémentaires ont été écrites par Tim Rice, qui ira écrire Le Roi Lion avec Elton John, donc voilà, quelqu'un de très, de très bien. Et Aladdin, il me semble aussi. Les chansons d'Aladdin aussi. Puisque Howard Ashman est mort en 91, juste après la sortie de La Belle et la Bête, il me semble. Donc voilà. Donc moi, je vous le conseille énormément si vous êtes un tant soit peu curieux. C'est vraiment un album à écouter. Voilà. On passe maintenant à la version française de 2014. Donc de Christophe Gans avec Léa Seydoux en Belle et Vincent Cassel en Bête ou le Prince, voilà. André Dussolier et Monsieur de Beaufremont, pardon. Beaufort, j'allais dire. Eduardo Noriega, Père Doukas. Myriam Charlin. Astrid, Audrey Lamy en Anne de Beaufremont, Sarah Giraudot en Clotilde de Beaufremont, et puis après il y a Jonathan Desmurger, Jean-Baptiste de Beaufremont, Nicolas Gobe, Maxime de Beaufremont. Voilà, il y a du monde. Des sœurs, voilà. Il est sorti en France le 12 février 2014. Voilà, je l'ai dit, réalisation par Christophe Gans et scénario Christophe Gans et Sandra Vaughan. Voilà. Donc niveau histoire. C'est très spécifique. Oui, je crois que c'est l'adaptation la plus fouillie, surtout. Ouais, ouais, bah, c'est un peu de. Il y a de tout. Il y a de tout, ouais. Il y a vraiment de tout. Et pourtant, tu me disais que Christophe Gans n'aime pas le film d'animation. Parce que. Alors, moi, je dis, j'ai découvert le film pour le podcast. Je n'avais pas vu le film. Je n'avais pas vu. Oui, c'est bien de le voir. Ça reste quand même un film français. Franco-allemand. Bon, d'accord. Oui, mais voilà, c'est ça, franco-allemand. Mais ça reste un film intéressant. Oui, oui, oui. Voilà. C'est bon, moi, j'ai beaucoup d'affection quand même pour Christophe Gans, même s'il dit qu'il aime pas La Belle et la Bête de Disney. Mais c'est un réalisateur que je trouve très intéressant dans notre culture française, en tout cas. Ah oui. J'aime beaucoup Le Pacte des Loups. Je trouve qu'il est très bien. Mm-hmm. Mais Christophe Gans, c'est quelqu'un qui a beaucoup de références et d'influences. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il adore le jeu vidéo et qu'il a fait l'adaptation de Silent Hill, qui est considérée comme elle est très une bonne, des meilleures adaptations de jeu vidéo. Le premier film. Ouais, ouais, bien sûr, on ne parle pas du deuxième. Et d'ailleurs, ces influences de jeu vidéo, moi je trouve qu'on les retrouve beaucoup dans ce film. Sur certains plans, d'ailleurs. La culture japonaise aussi. Oui, voilà. Surtout sur la scène du cheval, où on voit Belle qui court à travers la forêt. Mm-hmm. C'est vraiment. Et puis la découverte du château, qui est très très Uncharted. C'est un château qui est pas du tout dans les standards des châteaux de contes de fées qu'on voit d'habitude. C'est envahi par la verdure. Et ça, c'est proche de la version de Cocteau, pour le coup. Oui, voilà, c'est ça, c'est caché dans la Cocteau forêt. Cocteau ne jouait pas Uncharted, je pense. Non, je ne pense pas. Mais on était très loin. Hein. Même de Pong, on était très loin. Hein. C'est donc, ça. Mais Christophe Gantz, j'ai beaucoup d'affection aussi pour lui. Et je trouve que, personnellement, la réalisation est le meilleur truc du film. Et d'ailleurs, écoutez-le parler de cinéma, il est passionnant, ce mec. Hein. Quel magazine qu'il avait interviewé pour son avis sur Avatar de James Cameron. Et c'est ce qu'il dit, c'est vraiment passionnant. Ok. Tu veux commencer, du coup? Oui, si tu veux. Ouais. Donc, de toute façon, après, on embrique. Alors déjà, la genèse du truc, c'est que Christophe Gans a élaboré son idée de faire La Belle et la Bête quasiment en même temps que Disney commençait à annoncer une adaptation live de La Belle et la Bête. Donc, voilà. Sauf qu'à la base, Emma Watson était déjà évoquée chez Disney. Par contre, c'était Guillermo del Toro qui était évoqué pour... Ça aurait été tellement bien. Ça aurait été... ouais. Mais alors, Guillermo del Toro dans la comédie musicale, je sais pas ce que ça aurait donné. Je sais pas. Mais il me semble qu'il est quand même assez... Enfin, il aime bien. Je crois que... Ouais. Que son truc, bon, on parle pas du film, hein, on parle de l'adaptation, enfin du vrai. C'est Les Misérables, c'est sa comédie musicale préférée. Oui. Il est quand même assez acide, enfin il est quand même assez éduqué là-dedans. Donc, ouais, d'accord. Ouais. Mais bon, on l'a jamais vu. C'est pas lui. Musicale, alors c'est voilà. Et donc du coup, Christophe Gans lui a choisi de baser son adaptation. Sur le texte de Gabriel Suzanne de Villeneuve. C'est ça. Donc le texte de 1740. Ouais. Il y a un texte en 1740 et l'autre en 1757, je crois. Oui, c'est donc, ça. Donc là, c'est celui de 1740, donc la version... alors, c'est pas la plus connue. C'était l'une des plus populaires à l'époque. Et du coup, donc cette version-là, et tout en rendant hommage évidemment au film de Jean Cocteau qu'il adore, ce qu'il a dit, je décrirais ce film comme une nouvelle vision de cette célèbre histoire d'amour, mais aussi comme la première vraie adaptation du texte original, déclare le cinéaste à Variety. Il faut savoir que Cocteau avait adapté un court texte qui était avant tout destiné à l'éducation française des enfants anglais du 18e siècle. La difficulté, c'est où qui met... Voilà. La difficulté, je crois, vient du fait que la version de Cocteau et la version Disney, que je n'aime pas, ont imposé des éléments qui ne sont pas dans le conte de Madame de Villeneuve, mais qui sont désormais ancrés dans l'inconscient collectif. Ouais. Voilà. Donc, en gros, lui, son idée, c'était de... faire une adaptation... plus proche, en fait. Plus proche, avec un style beaucoup plus moderne. D'accord. Ouais. Mêler l'ancien et le moderne, c'est casse-gueule. Et le film témoigne bien de ça, quoi. Moi, le gros souci que j'ai avec ce film, alors c'est pas le casting, ni, même si je trouve que Léa Seydoux, Léa Seydoux, elle est jolie, hein. Pour camper Belle, y a pas de souci. Mais par contre, je trouve que niveau du charisme, ça le fait pas. Bah, pour moi, j'ai un vrai souci avec le jeu d'acteur dans ce film. Bah, Vincent Cassel qui joue la bête, ça va à peu près, je trouve, ça me choque moi, pas. Moi, je trouve. Moi, ce qui m'a fait marrer en voyant le film, c'est Vincent Cassel. Je le trouve genre en mode Kyra, la bête Kyra, parce que genre à un moment il monte sur la table, il fait baisse les yeux comme ça. Et moi, j'imaginais vraiment dans son rôle de la haine comme ça. Mais c'est vrai, en plus, il dit vraiment baisse les yeux. Je me rappelle plus de ça. Et moi, ça m'a fait pouffer de rire. Il faut pas me regarder dans les yeux, la belle, normalement. Mais... oui, voilà. On est loin de la poésie de la version de Cocteau, voilà, c'est sûr. Ça. C'est ça. Mais après, même André Dusselier, je trouve qu'il est bien. Non, il est bien. Ouais, ça va. Il fait partie des plus justes. Par contre, c'est sûr, voilà, Audrey Lamy, elle est insupportable. En fait, elle est insupportable, mais elle joue tellement bien. Enfin, elle est parfaite pour le rôle. Elle joue bien la potiche, c'est sûr. Elle est parfaite parce que Anne de Beaufremont, normalement, enfin, avec sa sœur Clotilde, c'est censé être insupportable. Et vraiment, enfin voilà. Oui, c'est insupportable. Donc, moi, je trouve qu'elle joue parfaitement le rôle de l'insupportable. Donc, là, c'est vrai qu'on retrouve les éléments. Donc, la Belle qui n'est pas fille unique, comme dans la version Disney de 91. Donc, le père est à nouveau un marchand. Et il y a tout, donc il y a toute une fratrie, elle a deux sœurs et elle a, doit avoir deux frères. Parce que dans la version Cocteau, il y a qu'un frère, mais il me semble que dans celle-là, il y en a plus. Je l'ai pas revu avant, donc je sais plus si, trop. Si, attends, mais ils sont même trois, je crois. Ouais, mais c'est, normalement, c'est six enfants. Ouais, ils sont dans trois. Dans le conte original. Ils sont trois, ouais. Donc lui, il est vraiment, enfin, il est vraiment parti dans quelque chose d'assez proche de Madame de Villeneuve. Donc en soi, c'est pas une mauvaise idée, hein. Mais il reprend ça, mais par contre, il intègre pas les faits. Oui, c'est, voilà. C'est ça, c'est ce que je me disais. Il n'intègre pas les faits, par contre, il nous parle du dieu de la forêt, de la nymphe, parce que la femme du prince, première épouse, qui finalement était la nymphe de la forêt. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il part vraiment dans quelque chose de fantasy. En soi, c'est pas mauvaise idée, quoi, mais c'est pas toujours très bien amené. Le problème, en fait, pour parler plus globalement, et après je te laisserai commenter, c'est que moi, ce qui m'avait gêné quand je l'avais vu au cinéma et quand je l'ai revu après, parce que je l'ai vu deux fois, c'est que je l'ai vu deux fois. Ben, pour me refaire un avis, en fait, ça a pas bougé. C'est que la passion et l'amour entre la Belle et la Bête, on la sent pas. Merci. Et c'est le gros problème de ce film. Putain, tu peux pas faire La Belle et la Bête amoureux sur un lac. Voilà. C'est ça. Et c'est pas suffisant, en fait. Sur un lac gelé, et la Bête, elle est au-dessus de d'elle, et la Bête se penche pour l'embrasser, et elle, on l'a jamais vue ayant un soupçon d'affection pour elle. Oui. Mais finalement, elle se laisse emporter. Enfin. C'est ça. En fait, on a l'impression d'avoir manqué trois scènes. C'est ça, en fait. Oui, il y a plusieurs scènes de dîner où ils sont, voient et tout, rien. Mais ils sont plus dans l'affrontement que dans l'amour naissant, quoi. Même si tu veux faire quelque chose de plus moderne, t'es un peu obligé quand même de passer par la case pas niais, mais t'es obligé d'amener ça. Sinon, toute la romance que tu veux exposer derrière, elle n'a plus de sens. Et là, en fait, c'est ça, c'est que la romance du film n'a pas de consistance, je trouve. C'est ça qui me gêne beaucoup. Ouais. Et du coup, on se raccroche à tout ce qui est visuel. Donc après, c'est vrai que toute la poésie visuelle fonctionne bien, mais tout ce qui gravite autour, toute la mythologie, on sait pas trop ce que ça fait là. Et voilà. Et c'est Christophe Gans est un peu bouffé par ses influences, je trouve, dans ce film là. Même si c'est vrai qu'après, en termes de réalisation, c'est très beau. Pour moi, c'est le meilleur point du film. Hein. C'est magnifique. Ah bah oui, c'est super beau. Ouais. Même La Bête. La Bête est bien faite. Pour un film franco-allemand, on n'a quand même pas les mêmes budgets qu'à Hollywood. Oui, ça donne. Oui, voilà. C'est de la performance capture, déjà. C'est plus joli. Et je trouve que La Bête, même encore aujourd'hui, elle est plus belle quand tu la vois dans le film que les premières images qu'on a vues de Valérian, par exemple. Ah, oui, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, Valérian, une bonne annonce que j'ai vue juste avant d'aller voir La Belle et la Bête. Magnifique. Super. donc on se raccroche à tout ça. Après, il y a des scènes un peu bizarres. Toute la scène avec les géants à la fin. Là, mais moi, je me suis endormi devant. J'en pouvais plus. Il est long en plus, hein, il me semble. Il est long. La scène à la fin, on n'y comprend que dalle. Il va dans l'eau. Oui. Il se relève. C'est ça. Et ah oui, en plus c'est Léa, enfin la Belle ou Léa Seydoux qui raconte l'histoire à ses enfants. Mais après, à la fin, elle dit c'est la fin, allez vous coucher les enfants, et elle retrouve Vincent Cassel, le prince, dehors en train de faire des potirons ou je sais pas quoi. C'est ça. Donc, le prince devient un paysan, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, en fait, il se transforme dans l'eau. On le voit se relever et puis on a l'impression qu'il est mort. Et c'est tout. Il y a rien. C'est ça. Il y a pas de. Il y a pas de transition. Il y a rien. Non. C'est un peu flou par moment et en plus, les enfants ils sont vraiment idiots parce que si elle raconte cette histoire, il y a aucun moyen de, enfin il y a tous les moyens de savoir que c'est elle qui est dans l'histoire, quoi. C'est enfin voilà, il y a c'est vraiment, je trouve ça un peu bizarre la fin. Il y a aussi les bestioles là qui ressemblent à moi, elles me font penser à Morty, le petit lémurien dans Madagascar. Les petits chiens là. Ouais, on sait pas trop ce qu'ils font là, bon. Tu sais, avec les gros yeux là, ouais. Vraiment le petit lémurien dans Madagascar. Ah, c'est des chiens, hein. Ouais, mais c'est des chiens parce que le prince était un chasseur, donc. Oui, voilà, c'est ça. C'est un chasseur qui chassait une biche dorée. Enfin, je sais pas, elle était dorée ou ouais. Je sais quoi. Bah une. Oui, c'est un peu comme le. De quoi, j'ai vu ça dans un film. Donc, il y a un cerf particulier, un cerf blanc ou je sais plus, enfin c'est qui était un gibier très convoité, quoi, très prisé. Oui, je vois. Il y a un gibier un peu légendaire, et en fait mais en fait après faut pas tout raconter parce que de toute façon en faisant ce podcast on a déjà raconté, et il n'y avait même pas besoin de, peut-être de dire, mais je sais pas, on aurait peut-être dû le dire, on va spoiler la Belle et la Bête. On spoil la mort. Dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Et, de toute façon, avant d'écouter un podcast hors série sur la Belle et la Bête, vous devez vous douter qu'on va parler un petit peu de l'histoire. Donc, oui, voilà. Parce que là, on est plus dans l'analyse que dans la critique. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc c'est vrai que, moi, voilà, ce qui m'a gêné, c'est principalement ça, c'est le manque de passion entre les deux amants. Du coup, la romance perd vraiment. Malon, hein. Bah oui. C'est quand même problématique dans cette histoire. Ouais. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Après, oui, c'est sûr, visuellement, ça reste très bien. La réalisation est inspirée, la mise en scène est très belle. Il y a plein de bonnes idées, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est un peu une coquille vide, quoi. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est avec ce genre de film-là aussi que le cinéma de genre peut avancer en France. Et en Europe. Je me rappelle de toute la pub qui a été faite faite sur ce film. Ah, mais la bande-annonce était féerique, hein. C'était vraiment très très beau, hein. Ouais. Après, le film, il faut le découvrir quand même. Il a trouvé une partie de son public. Il a quand même marché, hein. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas faux que ça soit romantique, mais ça manque de consistance au niveau de la romance dans ce film. On a l'impression que ça tombe de nulle part. Hein. C'est... Ouais. Je partage complètement ton avis. Pour revenir sur la réalisation, moi j'ai vraiment apprécié. Comme je le disais, c'est le meilleur point du film pour moi. Avec tous ces plans. Surtout le plan qui me reste en tête, c'est celui où la bête grimpe sur le château, on le voit de dos, et après il saute dans les airs. Ça c'est splendide, c'est génial. Ça fait vraiment très jeu vidéo pour le coup, mais voilà, c'est vraiment cool. Y a vraiment des plans qu'on pourrait qualifier de cool dans La Belle et la Bête, ce qui est pas trop c'est ça, c'est pas trop, enfin voilà, c'est pas trop l'adjectif qui devrait aller avec, mais ça fonctionne, donc voilà, pourquoi pas. J'ai eu par contre quelques soucis. Ouais, si, en fait, y a quand même des petits soucis, pas au niveau réalisation, mais au niveau montage. Voilà, tu parlais des fondus au noir dans La Belle et la Bête de Cocteau. Mm-hmm. Dans celui-là, il y a des fondus au noir qui ne servent à rien. En fait, les transitions sont des fondus au noir. Donc, du coup. Bah, pas toutes, il y a des transitions au début, ça doit être une page de livre qui se tourne. Ouais, voilà, et c'est joli. Ouais. C'est pas la page, c'est pas Movie Maker. Non, mais c'est vrai que c'est joli parce qu'il y a tout le décor qui se soulève c'est joli. Et je me dis, quand j'ai vu le film première minute, si ça continue comme ça, ça promet. Et dans le Pacte des Loups, il y a des belles transitions aussi comme ça. Ouais. Ouais, non, mais là, en fait, il y a des soucis au niveau de certaines. D'ailleurs, c'est la scène où je parlais sur le lac gelé, où la bête est au-dessus de la belle et il va pour l'embrasser. Mmh. Et après, elle tombe dans l'eau. Et là, on va sur un fondu au noir qui ne sert à rien. Mmh. Il y a pas mal de fondus au noir qui ne servent à rien, où il y a juste une scène de discussion et d'un coup, on tombe sur un fondu au noir. D'accord, merci. Voilà, ça ne servait à que dalle. Il y a aussi des ralentis qui servent à que dalle aussi. Il y avait vraiment, j'ai l'impression à certains moments j'avais l'impression de voir 300, quoi. C'est ça. je comprends pas en fait le choix artistique de mettre un ralenti à certains moments qui n'ont aucune utilité. Quand il met des ralentis sur des scènes de combat, c'est au moment où il faut pas mettre de ralenti. C'est ça. Donc c'est un peu dommage. sur ce point-là, je trouve. Sinon, voilà, le jeu d'acteur, ça, à peu près, c'est à peu près bon pour certains. Pour d'autres, c'est assez. Enfin, moi, je l'ai assez doux, je la trouve pas du tout, oui, comme tu as dit, charismatique. Enfin, physiquement, il y a pas de souci. Elle peut jouer, oui, belle, voilà, physiquement, voilà. Ça va. Mais... les costumes sont beaux en plus, donc il y a, oui, pas de. Oui, non. Au niveau des costumes et au niveau des décors réels, les décors en 3D sont un peu cheap parfois, mais les décors réels sont très beaux aussi. Ça, on n'a pas dit, mais c'est vraiment très bien. Voilà. Vincent Cassel, je le trouve bien. Parfois, je le trouve moins bon. En tant que prince, je le trouve complètement vide et d'intérêt, je le trouve... En tant que bête ou en tant que prince ? En tant que prince, qui avec ses copains qui vont à la chasse, etc. Mm. Je le trouve sans intérêt et je le trouve... ouais, voilà, c'est... On va dire qu'il joue bien son rôle de mec qui veut absolument... En plus, il a fait juste une promesse à sa femme, c'est de pas aller tuer cette biche. Et qu'est-ce qu'il fait le jour d'après, il va... Ah, mais c'est l'arrogance. Après, je pense que c'est la psychologie de ce personnage, oui, là, oui, aussi. Oui, hein. Oui. Non, mais complètement. Mais voilà. Sinon, ça va à peu près. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? La musique, elle est bien. Elle est jolie, la musique. Elle est jolie. Je sais plus qui fait la musique. Alors, je dois l'avoir. Pierre Adenau. Qui a fait des... Alors, je suis en train de chercher s'il a fait des trucs connus. Les émotifs anonymes, d'accord. Qui est très bon. Oui. Oui, non, c'est un très bon. C'est un bon film. C'est un très bon film, mais bon, la musique ne me paraît pas. Enfin, pas trop. Voilà. Bon, voilà. Et le dernier film qu'il a fait, c'est La Belle et la Bête. Donc voilà. Et voilà, musique sympa. Et voilà, je voulais juste dire pour. J'avais noté amour entre. Enfin, point d'interrogation, belle plus bête. mais voilà, donc c'est ce qu'on disait. Et je crois que c'est tout. Mais le film a des côtés intéressants. Il faut pas non plus le. Et 35 millions d'euros de budget en France, ça se fait pas. Ça se fait pas tous les jours. C'est pour ça qu'il faut le voir. Ça reste quand même une adaptation, quand même majeure, je pense, de La Belle et la Bête. Oui, c'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs, parce que c'est quand même. Enfin, pour une adaptation française, c'est vraiment très bien, je trouve. Voilà. Mais le film a ses défauts, malheureusement. Bah voilà, il y a des limites. Il y a des limites à vouloir faire du moderne avec de l'ancien. Et, C'est ça. Voilà. Bon, on va passer du coup au dernier film de ce podcast. Donc, La Belle et la Bête de 2017, donc réalisé par Bill Condon. Condon, ouais. Donc sorti en France le 22 mars 2017 et aux États-Unis le 17 mars 2017, donc voilà, quelques jours. Musique toujours d'Alan Menken et toujours des chansons de Ward Ashman et Tim Rice qui a refait des paroles du coup pour les nouvelles chansons, puisqu'il y a des nouvelles chansons dans le film qui sont pas, enfin il y a celle que tu disais avant sur quand la belle venait de partir du château. Oui, Evermore. Et il y a quoi d'autre ? C'est tout, non ? Oh non, ah, si, non, il y en a plusieurs. À Paris, à Paris quand ils vont à Paris. Il n'y a pas de chanson à Paris ? Si, là, quand elle est dans le vieil appartement à Paris de ses parents. Ah oui. Et elle chante. Dans le moulin, là ? Oui, voilà. Oui, d'accord. Ouais. Il y a cette chanson et puis j'ai pas réécouté du coup les chansons, mais il y en a quelques-unes en plus, voilà. Oui. Au niveau du casting, on l'a vu tous les deux en version française. Oui. Ouais. Moi j'ai pas pu le voir en VO, il passait nulle part. Moi non plus, j'avais pas de séance en VO. Je trouve ça dommage pour les comédies musicales, mais bon. Ouais, non, c'est vraiment la pire des... Enfin, les comédies musicales live, c'est la pire des idées d'en faire des versions françaises. Mais bon, après, c'est pour le public jeune, tu te dis, c'est normal, tu vas pas leur faire lire des sous-titres. Mais bon. Donc, Emma Watson en Belle, Dan Stevens qui joue la Bête et le Prince, Luke Evans en Gaston, Kevin Kline en Maurice, qui est le père de Belle, donc. Josh Gad, le Fou, Ewan McGregor, Lumière, Ian McKellen, Big Ben, Emma Thompson, Madame Samovar, Aura McDonald, Madame de garde-robe, Gubu Bataro, pardon, qui joue Plumette, Stanley Tucci en Maestro Cadenza, nouveau personnage d'ailleurs. Qui est super. qui est vraiment, c'est vraiment sympa. Ça. Et puis, Alexis Loiseau, Stanley, enfin. Il y a du monde. Hein. Bah, en plus, c'est un Français qui. Alexis Loiseau. Français, d'accord. Oui, c'est pas très américain. Oui. Oui, oui. Non, mais en plus, parce que en fait, j'ai parce que VF lui-même, ça m'a donné la puce à l'oreille. donc voilà, nouveau film. On... Oui. Alexis Loison, c'est un danseur. Oui, voilà. C'est un. Oui. Il avait été interviewé, je crois, par Chronique Disney. D'accord, ok. D'ailleurs, Chronique Disney, vous pouvez aller sur leur site. Ils ont fait un excellent article, alors, assez long par contre, il faut bien se caler une demi-heure pour le lire, sur La Belle et la Bête et ses adaptations. Ah, et d'ailleurs, Alexis Loison, qui, je viens de voir ça, a joué le rôle de Gaston dans La Belle et la Bête en comédie musicale française. D'accord. Donc voilà, en 2013 et 2014. Donc voilà. C'est tout. Donc, est-ce qu'on va d'abord dire, même si on avait parlé dans certains parlons cinéma, on parlait de la bande-annonce, notre préavis, notre avis avant d'aller voir le film, si on l'attendait vraiment ou pas. Donc, je vais te laisser. Bah, je dirais que comme maintenant, c'est quand même la quatrième, le quatrième film live. Ouais, c'est ça. Parce que Peter Elliot le Dragon, je ne le considère pas comme une version live, parce que c'était déjà live, en partie. Donc il y a eu Maléfique. Il y a eu Maléfique, Cendrillon, le livre de la jungle, et celui-là. Et ouais, celui-ci. Et les prochains, donc c'est Mulan, Le Roi Lion. Et Mary Poppins. C'est déjà du live. Oui. Bon, c'est une suite, Mary Poppins, en plus. C'est même pas un remake. Oui, c'est une suite. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils n'ont pas prévu La Petite Sirène. Si, je pense. Il y a Dumbo par Tim Burton. Oui, Dumbo de Tim Burton. Des projets qui font peur à entendre. donc voilà. J'étais du coup, et un peu comme pour les autres adaptations live, et surtout pour celle-ci parce que je l'adore, j'étais curieux. En fait, disons que quand Magnifique a été annoncé, parce que c'était quand même la première. J'étais assez impatient parce que moi je pensais vraiment qu'on allait une histoire séparée. Puis ça se centrait, on sentait que c'était bonne adaptation de La Belle au Bois Dormant mais bien de Maléfique. C'est un peu ça quand même. Mais là du coup quand après Cendrillon en 2015 qui faisait du copier-coller du film d'animation. En soi, c'était évidemment que c'était pas mauvais parce que le film d'animation est pas mauvais de toute façon. Le film est assez joli, après faut aimer le côté kitsch de Kenneth Branagh, mais oui, voilà, c'est ça. Moi je l'ai revu il y a pas longtemps, je l'ai revu hier parce que dans la foulée, je crois que j'ai vu sur Sens Critique dans la foulée, pour comparer avec La Belle et la Bête. Non, c'est pas un film que je déteste. Et le livre de la jungle que j'ai préféré au dessin animé. Ah. Ouais. Moi je suis pas dans ce cas-là, mais c'était vraiment une grosse surprise. Voilà. Moi j'ai bien aimé. Je l'ai pas revu, faudra que je le revoie. Et du coup, La Belle et la Bête, j'avais un peu peur quand même. Mais peur en étant impatient. Ouais. Parce que j'étais. On connaît ce sentiment. Voilà. J'étais curieux de voir ce que ça allait donner cette version live. Après, j'étais quand même rassuré par le casting parce que moi je trouvais qu'Emma Watson, contrairement à Lily James pour Cendrillon. Je trouve ne collait pas à Cendrillon. Là, pour le coup, Emma Watson, je trouve que déjà physiquement, elle était proche du dessin animé. Oui, c'est vrai. Donc ça aide. Et elle s'est révélée être bonne chanteuse, apparemment. Même si je l'ai pas vue en VO, mais j'ai vu des extraits, apparemment ça va. Et j'ai écouté un peu de la BO. D'accord, ouais. Donc voilà, j'étais quand même impatient, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite appréhension. Et au final, moi je dois dire que j'ai bien aimé. J'ai moins aimé que toi, bizarrement. Je ne m'attendais pas à ça, c'était la surprise. Ouais, c'est fou, hein. Ça m'a surpris, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est comme Cendrillon. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a à dire à partir du moment où c'est l'adaptation d'une adaptation ? Évidemment qu'il y a des trucs en plus, mais après, en soi, l'histoire, c'est la même. On tente d'approfondir un peu plus les personnages, donc oui, ouais. Moi, j'ai trouvé. Enfin, il y a certains trucs qui m'ont un peu déplu, mais il y a d'autres choses que j'ai trouvé très sympa. Bah, moi, j'ai bien aimé l'ouverture du film avec le bal. Ouais. Et le l'enchanteresse, du coup. Oui. Oui, qu'on voit plus. Moi, bon, ouais, l'enchanteresse dans la forêt, tout ça, c'était pas nécessaire, je trouve. Mais. Ouais. Bah, c'est vrai que. Où elle va sauver le père. C'est pas vraiment une scène. Oui. Qui est utile. En fait, on a l'impression que Maurice, ils le mettent là parce que. Maurice, ils essaient de l'évincer comme ça pour pas que ça soit exactement comme dans le dessin animé, ouais, plutôt que de l'envoyer directement chez les fous. Mais et en plus, il va chez les, il est censé y aller à la fin parce que du coup, ils sont enfermés avec sa fille. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ça décrédibilise un peu la méchanceté de Gaston. Ouais. Bah, bon, il l'abandonne au loup quand même. C'est pas bien, mais mais c'est vrai que tu te dis mais pourquoi il l'emmène pas directement quoi, si c'est pour l'enfermer directement. Non, mais en fait ils veulent le tuer carrément. Oui. C'est justement le fou ce qu'il dit. Est-ce que vous avez pas une méthode un peu moins finale pour vous débarrasser de lui et puis enfin voilà. Oui, c'est vrai. Si en fait il lui rajoute quand même un. Oui, en fait c'est vrai. Oui, finalement, Gaston est encore plus méchant en faisant Il est encore plus méchant, ouais. Dans l'autre, il est débile et il joue de son charisme. Là, il est moins débile quand même que dans le dessin. Ouais, il est un peu plus stratège. Il est plus orgueilleux. Le film est pas mauvais. Visuellement, il n'y a pas de souci. La bête est très bien. Les décors aussi. Même les objets, j'avais peur que les objets fassent trop cheap. Ouais. En fait, ça va. Par contre, y a des trucs que je trouve bizarres. Alors, c'est sûr, c'est bien, ça veut s'adresser à tout le monde. Ça met en avant toutes les minorités. Alors, c'est vrai que le moment gay de le fou. En fait, franchement, c'est rien. Parce que moi, j'entendais parler d'une polémique, je savais même pas que c'était lui qui était. Moi, j'imaginais que c'était Big Ben, puisque c'était Ian McKellen qui jouait. Ah non, pas du tout. Je pensais que. Mais. Moi, je le trouve plus intéressant, en fait, comme ça. Oui. Parce que dans le dessin animé, c'est juste un suiveur un peu débile. C'est ça. Et là, il est intéressant, je trouve. Quand dans la chanson, justement, la mob song, là où il va Kill the Beast, tuer la bête, il y a une phrase qui dit... Elle est géniale, cette scène, d'ailleurs. Oui, mais de toute façon, les moments comédie musicale, moi, j'attends juste de pouvoir le voir en VO, parce que je pense qu'il gagnera un point. mais il dit juste une phrase, la bête que nous suivons... Enfin, moi, j'ai peur d'une bête, c'est pas celle qu'on oui, va chasser, c'est celle que nous suivons. Oui, la bête, c'est Gaston, quoi. Voilà, c'est ça. Et on voit que, ils le rendent vraiment plus intéressant. Ils le font combattre à côté de Mrs. Samovar, Mrs. Samovar. Enfin voilà. Et il dit je suis venu avec Gaston, mais finalement. On est en froid en ce moment. Voilà, on est en froid en ce moment, surtout qu'il le laissait écraser par je sais plus quoi. Gaston l'abandonne en plus. Gaston l'abandonne. Donc moi je le trouve tellement plus intéressant. En plus, Josh Gad, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Je pense qu'ils lui ont mis une VF un peu nulle. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai eu du mal avec l'interprétation. Je trouvais qu'en fait, il en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et c'est un peu énervant. Ouais. Mais après... La VF, en fait, on va peut-être parler rapidement de la VF. D'ailleurs, c'est deux personnes différentes qui font la voix et le chant, de ce que je vois en VF. Oui. Pour Emma, la Belle et pour Gaston, c'est pas la même personne. Donc voilà. Et pour moi, il y a un souci quand on fait une comédie musicale live avec des vrais acteurs et qu'on adapte des paroles, au niveau du mouvement des lèvres, ça suit pas du tout. Et un certain, ça se voit vraiment, surtout pour Belle, la chanson du début, dans le village, etc. Où on voit Belle qui chante, etc. Et on voit vraiment que les lèvres, ça fonctionne pas du tout au niveau de ce qui est dit. Ouais. Et c'est absolument atroce à regarder. Heureusement, il y a pas trop de scènes, où il y a des gens, des personnes qui chantent. Il y a plus de scènes, je trouve, où il y a les objets qui chantent et tout ça. Et ça va mieux puisque c'est de l'animation, donc ça colle un peu plus. Mais il y a deux, trois chansons. Je pense que c'est pour ça que la partie que j'ai préférée en chanson, alors que beaucoup trouvent que c'est la plus cheap, pour moi, c'est la fête. Ouais. Parce que, ouais. Justement, tu remarques moins les défauts, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu remarques moins les défauts. Au niveau du lip-syncing, c'est très bien. Enfin, et ouais, non, mais voilà. Moi, c'est un des gros points qui m'a gêné dans mon appréciation du film. Et je pense que ce point sera complètement effacé quand je pourrai le voir en VO. Voilà, mais et en plus je découvrais les chansons en VF, donc j'avais un petit peu de ah, mais je connais cette chanson, mais finalement je la connais pas trop. Mais comme tu me dis, les paroles ont été changées, donc du coup ça a peut-être fait cet effet aussi pour toi. Alors, c'est la fête, c'est les mêmes paroles pendant la première partie de la chanson, et à partir du moment où il est avec Big Ben et que bah, il raconte que c'est triste d'être dans le château, tout ça, là ça change, c'est plus les mêmes paroles, d'accord, ok. Après, l'histoire éternelle, c'est la même, il me semble aussi. Mm-hmm. Par contre, c'est vrai que Belle, au début, les paroles sont vraiment différentes. Hein. Ouais, il y a plein de... Ouais, ouais. C'est sans surprise qu'on retrouve le pain du boulanger. Enfin, tu sais pas pourquoi. Oui. Et en fait, je pense que pourtant, il change en français pour que ça colle aux lèvres, justement. Ouais, mais voilà. C'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant parce que ça fonctionne pas. Parce que c'est pas du tout ça dans le dessin animé. Hein. D'accord, ouais. Parce que moi, je trouvais cette phase, en fait, comme ça commence quasiment par cette phrase, ça faisait vraiment chelou. Je me suis dit, oh là là. Ouais, d'accord, je suis parti dans un truc. Ça m'a un peu pris. Je sais plus comment que c'est dans le dessin animé. Mais c'est différent. À part bien du boulanger, mais c'est le bon vieux pain de Sans Fourni ou un truc comme ça. D'accord, ouais. Mais je sais plus. Je suis en train d'essayer de me la chanter dans la tête, mais j'arrive plus à la trouver. Je sais plus. Bon, oui, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc ça a été changé du coup. Donc même pour quelqu'un qui connaissait le film en VF, ça a quand même pu. Et c'est le boulanger pour son plateau bien garni du bon vieux pain de Sans Fourni. Ouais, ça n'a rien à voir avec. C'est sans surprise qu'on retrouve le pain du boulanger. Enfin, ouais, voilà. Il y a des changements comme ça qui font que. Ouais, non, c'est. Mais je comprends pas. Hein. Mais je pense que c'est pour que ça colle. Le pire, c'est que dans cette scène, on la voit de dos. En plus. Donc je comprends pas le principe. Alors peut-être que la VO aussi ils ont changé. Après moi je me suis posé la question, est-ce que c'est pas la traduction littérale du coup de la BO? Ouais. Ah, peut-être que ce serait ça. Ouais. Non, mais je sais pas. Du coup reste à voir. Mais sinon ça, mais... quoi d'autre? Il y a un truc que je voulais dire. Sur quoi? Sur les chansons? Sur les chansons. J'ai perdu ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y en avait trop. Il y en a que ça a gêné, j'ai vu un petit peu. Après, je dirais qu'elles sont pas toutes. On aurait pu s'en passer. Ouais. Après, c'est vrai tu regardes sur Wikipédia, là, je vois, ils mettent Aria. Ouais. La chanson pendant l'ouverture du film. Bon. Ah oui, ouais. Après, c'est de l'opéra, moi je l'aurais pas mis. Pour moi, la première chanson du film, c'est Belle, quoi. Oui. Mais c'est vrai, je rêve d'une histoire sans fin. Mais voilà, par exemple, je rêve d'une histoire sans fin de Maurice, mais c'est pas long, ça dure même pas une minute. Jour enchanté du jeune prince, là, c'est trois phrases. Hein. C'est ça, oui. En fait, il y a des chansons, il y a des moments chantés. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trois phrases et après c'est bon. Ouais. Il y a le temps de faire une rime. Ils auraient pu faire un poème, ça aurait été la même chose, quoi. Après, si la chanson de Gaston qui avec le fou, je trouve qu'il y a des, ils ont fait des trucs. Je suis analphabète, machin. Voilà, tu vois, j'aurais pas été faire jusque ça, mais je pense que ça c'est vraiment de la comédie musicale. Oui. En plus, le pire c'est que c'est des nouvelles chansons qui sont même pas qui ont même pas été reprises de la comédie musicale. Donc je comprends pas le principe quand t'as matériel original qui est assez bon, qui est très bon même. Pourquoi ne pas reprendre directement et l'intégrer puisqu'ils voulaient faire de nouvelles chansons. Oui. Je comprends pas en fait de refaire de nouveau des nouvelles chansons encore. Mmh. Alors qu'il y a déjà pas mal de chansons qui ont été faites. Mais voilà, bon. Bah. Donc après, quoi dire de plus hormis les chansons c'est Céline Dion qui chante à la fin. Ouais. D'accord, j'ai vu ça sur une critique presse, une critique négative. Malheureusement, le spectateur est achevé une mauvaise fois à la fin avec la chanson de Céline Dion. C'est méchant. Ouais, c'est méchant. Oui, c'est méchant, parce que bon, Céline Dion t'aime ou t'aime pas, mais tu peux pas dire qu'elle a une voix horrible, quoi. Enfin, c'est, elle a une voix. Si, par contre, complètement différent. Moi, ce que j'ai aimé, quand même, dans cette version 2017, c'est qu'elle reprend ce qu'il faisait aussi le sel du conte. Donc là, on retrouve, comme dans la version de Cocteau et comme dans la version de Christophe Gans, l'histoire de la rose volée par Maurice pour Belle. En fait, moi, le seul souci que j'ai avec le dessin animé de 91, c'est ce qui manque. Et c'est pourquoi la bête décide de l'enfermer juste parce qu'il est rentré. Bah il ira, oui, parce que c'est la... Non, le pire, c'est il est rentré, il s'est réchauffé, il a bu une tasse de thé, c'est tout ce qu'il a fait. Et pourtant, il aurait eu beaucoup plus de raisons de l'enfermer dans cette version-là parce que il entre dans le château, il se réchauffe à la cheminée, il s'assoit à la table, mais sans que les objets lui viennent le servir. Alors que dans le dessin animé, c'est les objets qui lui proposent de le réchauffer, ça. Effectivement. Donc, ça aurait été plus logique que la bête l'enferme parce qu'il a été un peu sans gêne dans cette version-là. D'ailleurs, dans la version de Christophe Gans, ça c'est magnifique. Genre, il se sert à volonté en nourriture et tout ça. Mmh. Et puis après, quand la bête le chope parce qu'il a pris la fleur, il dit oh, non, je suis pas un voleur. Oui. Bon, t'as quand même bouffé à la table sans, enfin voilà. Et dans la version de Cocteau, la bête dit bien à Maurice vous pouviez tout prendre dans ce château excepté mes roses. Donc c'est vrai qu'on retrouve cette histoire de la rose qui est plus seulement la rose sous la rose magique qui se flétrit petit à petit. Il y a plus juste cette référence là, mais bien la rose volée qui déclenche finalement toute l'histoire. Moi j'ai trouvé ça bien. Après voilà, moi je trouve que la réalisation, alors il y en a qui ont pas aimé du tout la réalisation de Bill Condon. Moi je trouve cette idée pour une comédie musicale, c'est parfait. De vouloir toujours remplir l'espace avec beaucoup de figurants, moi je trouve que c'est bien. Y a pas une scène froide, quoi. Enfin, il y en a qui disent que c'est sans vie, mais je trouve que non, au contraire, tout bouge tout le temps, tout est moi j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était à la fois une bonne adaptation, une comédie musicale pas désagréable, parce que moi c'est quand même compliqué pour moi à la base, je le rappelle. Les comédies musicales, c'est pas trop mon truc. Là, ça l'a fait. Après, c'est vrai que forcément les chansons rajoutées que je connaissais pas m'ont moins marqué, hormis celle de la bête que je trouve quand même belle. Même en français, je trouve qu'elle est jolie. Oui, en français, je ne l'ai pas écoutée en anglais, mais en français, elle ne m'a pas gênée. Donc... Mais du coup... En fait, c'est peut-être parce que je ne l'avais jamais entendue que ça ne m'a pas gênée. Moi, je l'avais entendue en anglais avant. D'accord, ok. Et je trouve que voilà, c'est vraiment elle résonne vraiment comme un cri d'amour, quoi. Et on sent vraiment que la bête est déchirée c'est et tout. C'est pas une chanson en trop, je trouve. C'est ça. Pour le coup, celle-là, je trouve qu'elle est nécessaire. Elle traduit vraiment bien les émotions du personnage. Ouais. Et elle était déjà dans la comédie musicale, donc du coup, ils ont dit, on va faire à peu près la même chose, mais on va... Et la scène est belle. C'est vrai qu'il est dans sa tour. On voit Belle qui s'éloigne petit à petit, tout ça. Il y a beaucoup de bonnes choses. Après, le film, oui, bien sûr, il a quelques défauts. C'est vrai que c'est du Disney qui joue énormément sur la nostalgie, tout ça, mais bon, en fait, ça devient un parti pris qu'on accepte. Ouais, c'est ça. Donc bon, moi, j'ai pas vraiment de choses à lui reprocher. Évidemment, je préfère le film d'animation. Oui. Mais après, je pense que je le reverrai avec beaucoup de plaisir et je pense que je l'achèterai en Blu-ray. Ne serait-ce que pour le voir en VO. Oui, moi je suis à peu près pareil en fait. J'étais vraiment. Parlons d'abord. Je n'attendais pas le film du tout. J'avais vraiment peur. En voyant la bande-annonce, je me suis dit oh là là, mais on va encore se taper un truc horrible. Bon, le livre de la jungle m'avait surpris. Oui. Vraiment, parce que j'avais vraiment apprécié. Et surtout que j'adore le dessin animé de base. Donc, j'avais beaucoup aimé. Et donc, bon, voilà, c'était une petite piste comme quoi ça allait peut-être pas être si mauvais que ça La Belle et la Bête, mais bon, j'y croyais toujours pas vraiment, surtout à la vue de la bande-annonce avec moi ce qui me gênait vraiment c'était les objets, je n'y croyais pas du tout, les lumières, Big Ben, c'était vraiment, enfin j'avais, et les tasses et tout ça, c'est, je trouvais que ça faisait pas, enfin voilà, je retrouvais pas la magie du dessin animé, et même je trouvais ça assez moche en fait, mais finalement quand on est dans le film, Et ben il y a quelque chose qui bah comme dans bon pas comme dans il y a une magie Cocteau, Disney mais, quoi qui voilà, opère, c'est ça mais il y a, une magie c'est des films que Disney ils font des il y a une ambiance que tu retrouves que dans leurs films c'est ça et t'arrives à accepter des trucs qui te paraîtraient aberrants si tu rentrais dans la salle au moment T et voilà non franchement moi j'ai été énormément surpris par le film je l'ai vu hier soir au cinéma ouais j'ai beaucoup aimé bon j'ai eu un peu de mal avec la VF comme on l'a dit je pense que c'est vraiment dessus. Ce que je lui reproche ouais moi je pense que si je le vois en VO ouais j'aurais pas non plus trop de défauts quoi au film pour moi c'est le meilleur film d'adaptation enfin le meilleur film en live adapté d'un dessin animé Disney. Est-ce que t'avais pas aimé Maléfique tout ça? Ouais, j'avais pas aimé Maléfique. Peut-être que je le revois, je sais pas. J'ai... Je le vois pas comme une adaptation, je le vois comme une relecture. Ouais, c'est une relecture. En fait, c'est quelque chose qui se passe à côté, quoi. Bah oui, même pas. C'est autre chose, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est autre chose, hein. Ça prend à contre-pied ça prend limite à contre-pied, oui, le film. Le film d'animation. Pour moi, je les distingue vraiment l'un et l'autre, quoi. Alors que là, non, je ferais pas la distinction, par contre. Oui, là, c'est vraiment une adaptation claire et nette, avec des choses rajoutées, des choses intéressantes rajoutées, comme je l'ai dit. Hein, pour moi, le fou, je le trouve très intéressant dans cette version. Je trouve beaucoup plus intéressant que dans la version animée. Pas peur, dans la version animée, il me fait rire. Hein, mais ah oui, non. Mais c'est vrai que c'est le comic relief, quoi. C'est tout. Voilà, c'est le suiveur. Il fait rien d'autre. Là, il a un peu de pensée. Il réfléchit quand même un peu par lui-même. Et puis il a des émotions, ce qu'il n'avait pas en fait dans le dessin animé. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Moi j'ai trouvé que le casting était bon quand même. Oui voilà. Je voulais parler de ça aussi. Ouais. Même si Emma Watson, je trouve qu'elle est bien dans le rôle de Belle. Alors même s'il y a des moments, il y a la scène dans la bibliothèque où on sent vraiment que le rire a pas dû être facile à faire. Elle a sa main sous son menton et elle rigole. J'avais l'impression d'être dans le cœur à ses raisons. Ah oui. Bon là c'était faux, mais sinon je trouve que tout le reste du film elle est bien. Dan Stevens c'est pas mal. Il y a des moments où on sent que c'est compliqué au niveau de la motion capture. Il y a des expressions qui sont bizarres de la bête, mais peut-être que encore une fois c'est la VF. Parce qu'en fait le problème c'est que tu vois entendre les lèvres, évidemment ça traduit l'émotion en plus. Ouais. Donc l'expression du visage elle peut être un peu biaisée aussi parce que tu entends quelque chose qui est pas forcément en accord. Luke Evans, moi j'ai trouvé très bien en Gaston. Ouais, voilà. Et il est excellent en Gaston, c'est peut-être même le meilleur. Parfait. Hein. Ouais, parfait, franchement. Ouais. Ah oui, puis on sent qu'il s'amuse en plus. Ouais, franchement, enfin il est très très bien en Gaston. Voilà, il y a des trucs qui sont rajoutés, des trucs qui sont améliorés. Bon, il y a des trucs un peu moins bien aussi, mais franchement, c'est vraiment très bien. Et voilà, il y a Kevin Kline en tant que Maurice. Audra McDonald en garde-robe, j'ai trouvé très drôle. Quand elle fout la robe là sur. Elle met 3000 couches de soie et de machin sur. Bah, ce qui est bien dans le film, c'est qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Oui, voilà. Genre l'humour. Dans la chanson. La chanson. Je vais la retrouver, hein. Je ne savais pas. Ah oui. Il y a quelques. Enfin, oui, dans le dessin animé, il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Enfin, je. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. la bataille de boules de neige là. Oui. Bah, dans le dessin animé, on le voit qui prend la boule, mais après elle tombe sur lui. Alors que dans la version live, il la lance. Ah oui, elle se la prend, ouais. ce que j'ai bien aimé, moi, s'il y a une ambiance général qui se dégage du film, c'est que c'est à la fois beaucoup dans le, évidemment c'est mièvre, c'est niais et tout, mais c'est ils ont fait quelque chose d'un peu plus niais que le dessin animé, mais je dirais pas que c'est touchant, mais il y a un côté suave comme ça qui est plaisant, et en même temps c'est suave et c'est complètement décomplexé comme film, c'est complètement accepté, enfin je veux dire ouais, ça accepte ce que c'est, quoi. C'est ça. C'est un film qui est. C'est, en fait, j'ai vraiment eu la sensation, moi, que Bill Condon, de toute façon, savait qu'il ne pourrait pas faire aussi bien que le dessin animé. C'était pas possible, c'est presque intouchable, le dessin animé. Ouais. Et du coup, bah, il y a été à fond la caisse, quoi. Je mets énormément de figurants, je vais faire des scènes très vivantes, beaucoup de décors, des costumes mirobolants, des maquillages de ouf et tout. Ouais. Et en fait, c'est ce côté excessif, c'est ce qui fait aussi le charme du film, je trouve. Ouais, mais complètement. Et après, au niveau du décomplexé, bah oui, alors il y a évidemment, alors ce qui fait polémique sur le fou qui serait prétendument amoureux de Gaston. Alors on ressent bien qu'il y a une attirance, hein, bah, c'est sûr. Ouais. Mais moi personnellement, c'est pas le personnage de Le Fou qui m'a enfin, on m'aurait pas dit qu'il était amoureux de Gaston, je l'aurais peut-être pas oui. senti. Ouais. Peut-être pas plus que ça. Non, par contre, là où la scène, et ça dure 3 secondes hein. Là où la scène, oui, ouais. ça m'a vraiment là tu te dis d'accord, là c'est un vrai personnage gay chez les neuneux de Russie qui sont pas capables d'accepter ça, ça pourrait faire polémique. À Vladimir Poutine, salut. Salut. On te salue là où tu es. Voilà. C'est la scène où garde-robe justement pour se défendre déguise les 3 mecs en femme et qu'il y en a un qui est content. Oui. Voilà. J'ai trouvé ça, c'était drôle et ça dure 3 secondes et c'est vraiment. Mais là, tu te dis bon bah c'est bien Disney a fait des efforts quand même. Ouais. Il y a aussi la scène où de toute fin de danse oui où le fou rejoint justement ce personnage enfin il dansait avec un personnage féminin oui on sait pas qui c'est une paysanne ou je sais pas quoi et puis à un moment il se débarrasse c'est une danse où on change de partenaire et il se retrouve avec et ça dure 2 secondes, oui. mais voilà, c'est. Ça suffit à dire, bon ben voilà. Voilà, ben voilà. Le fou est comme ça, et puis ben franchement, qui est-ce que ça emmerde hein? On lui a enfin donné une personnalité. C'est vrai que entre le personnage qui se fait déguiser, le fou qui danse avec, ça doit faire quoi? Ça fait 10 secondes à tout péter. Ah, c'est vrai que ça va vraiment traumatiser les enfants, hein. Ça va vraiment, l'espèce humaine est foutue, quoi. Il y aura plus de reproduction. Non, mais c'est vraiment faire des polémiques pour rien. Ouais. C'est... Non, mais tu sais, on est dans une époque de polémiques. Hein. Ouais. Ouais. Mais bon, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est Disney qui. Après, fait oui, ça, c'est sûr, le film est très, gay friendly, comme on le dit souvent. Oui, ouais. Ça assume tout. En fait, c'est ce qui est bien, ce que le film a vraiment pour lui, par contre, c'est qu'il assume tout ce qu'il entreprend. Bah oui, oui, c'est bien. Et c'est bien, moi je trouve ça assez honnête. Moi je trouve pas que. Bah oui, d'ailleurs, il y a quelques personnages du casting qui sont afro-américains. Et ça gêne pas plus que ça. Hein. On est au 18e siècle, bon, il y a les noirs, en fait, les noirs n'étaient pas exposés. Ils n'étaient pas à ce niveau de. Ils n'étaient pas à ce niveau parce que c'était chez le social. C'était à l'époque des zoos humains, donc bon. Voilà. C'est fantasy. Enfin, c'est fantastique. Donc tu peux faire ce que tu veux. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que La Belle et la Bête. Même si c'était historique. La Belle et la Bête. Voilà, le message de base de cette romance-là, c'est la tolérance. Ouais. Mais ça jamais. Le but n'a jamais été de faire une représentation de la France à une certaine époque, de toute façon. Donc c'est pour ça que ça passe en fait aussi. On cherche pas à dépeindre une certaine image de la France à une certaine époque précise. Si tu veux ça, tu regardes la série Versailles ou tu regardes Secret d'Histoire, quoi. C'est tout. C'est pour ça que ça me choque pas. Surtout que Audra McDonald en cantatrice là, garde-robe, c'est génial, quoi. Ouais. Et parfaite. Il y a aussi justement le personnage de Stanley Tucci. Cadenza. Cadenza. Ils sont très bien tous les deux en fait. Ils sont tous les deux ensemble. Enfin, c'est le maestro Cadenza, c'est le garde-robe et puis leur chien Froufrou. Voilà, c'est ça. ils sont très bien. Ce nouveau personnage, moi, je l'aime bien. C'est vrai que dans le dessin animé, il y avait que Lumière qui avait une relation intime avec Plumette. Ouais. Par contre, ils ont pas gardé les cheveux sur la langue de Plumette. Moi, j'aimais bien, ça me faisait rire dans le dessin animé. Ah, il y avait une. Ben si. Avait un cheveu sur la langue. J'ai vu une fille dans le Sato. Et vraiment, ça d'accord. me faisait rire, ça. Okay. Et c'est vrai qu'ils l'ont pas gardé. Bon, c'est dommage. Parce que en VO, elle a pas de cheveux sur la langue. Non, elle a pas de cheveux sur la langue. Okay, dans le dessin animé, elle a pas de cheveux sur la langue. Ouais. D'accord. Ouais, mais en VF, ils lui en ont mis un et je trouve que c'était rigolo. et du coup, c'est vrai qu'il y avait que ces deux personnages-là, on savait qu'ils étaient ensemble. Au niveau des personnages secondaires, j'entends. Mais du coup, le fait de rajouter Garde-robe et Cadenza ensemble, ça étoffe aussi la psychologie de ces personnages secondaires. Et puis ça anime un peu le château, parce que s'il n'y avait que Lumière et, et Plumette qui étaient ensemble, je te dis pas quoi. Et il y a aussi Big Ben, justement, Ian McKellen, qui était avec une villageoise ou je sais pas quoi. Redevenir une pendule, redevenir une pendule. Ouais, redevenir une pendule, ça m'a fait rire. Mais d'ailleurs, avec sa moustache, là, il est trop chelou. Ouais, bah, de toute façon, il est tout grimaçant à la fin. Et Ewan McGregor qui est très bien. Mais moi j'ai, enfin bon, comme on regarde en VF, tu peux pas trop deviner que c'est Ewan McGregor qui joue. Non, c'est sûr. Enfin moi j'ai été. Ah, surtout que c'est pas les vrais VF habituels. Ouais, voilà. Alors au départ c'est vrai que je me dis mais c'est con parce que enfin quand t'as vu les 8 Harry Potter et puis que du coup Emma Watson a plus la même voix, ça fait bizarre. Mais en fait tu te dis bah oui mais c'est normal vu que c'est en fait ce sont les chanteurs de la VF qui font également les voix françaises pour les dialogues pour que ça colle. Par contre pour Belle c'est pas ah bon c'est une VF ouais il y a une VF dialogue et une VF chant. Ah bon? Ouais. Léopoldine Serre pour les dialogues et Emilou Holmes pour le chant. Donc c'est bizarre qu'ils aient bagardé par contre. Ah oui. C'est parce que dans les deux Harry cas Potter, Harry Potter c'est Warner et Disney, c'est La Belle et la Bête, voilà. Mais dans les deux cas, du coup, Emma Watson n'a pas la même voix. Et en fait, je pense que, alors, ben, du coup, je pense quand même que, donc, Léopoldine Serre, c'est une doubleuse VF, mais qui ne chante pas. Ouais. Mais par contre, elle doit avoir une voix assez proche de Emilou Holmes quand elle chante. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'est pas dérangeant. Oui, oui, c'est ce qu'ils faisaient au début dans tous les Disney, hein, c'est qu'il y avait une voix dialogue et une voix chant, et ils faisaient un casting de taré pour trouver... Et du coup, les voix étaient proches les unes des autres. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'est vrai que la VF habituelle de Emma Watson, du coup, n'aurait pas du tout... Enfin, n'aurait pas... Ça correspondait pas. Ça n'aurait pas collé, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, du coup. Voilà, ce que je voulais dire... Bah, au niveau des effets spéciaux, c'est très bien. Lumière et tout ça. Lumière, Big Ben, moi, ça ne m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. La bête, je l'ai pas... moi, je l'ai trouvé plutôt bien. J'avais un peu peur au début. Il y a une ou deux scènes où j'ai trouvé que les expressions étaient un peu bizarres. Mais après, comme je te dis, ça se trouve, ça vient de la fourrure. Ah oui, par contre, c'est... La fourrure et tout ça, c'est vraiment très beau. C'est très bien fait. Elle est vivante et puis elle est crédible, surtout. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, heureusement, attends. Oh, c'est le personnage principal. Il manquerait plus que le film de Christophe Gans soit plus crédible que le film de Disney. Voilà. Ce que je voulais dire encore, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. La musique, on en a déjà parlé, mais c'est toujours Alan Menken qui a la musique. Hein. Et puis les paroles, c'est Tim Rice qui a rajouté de la musique encore. Enfin, des paroles, pardon. Howard Ashman et Tim Rice, ouais. Mais Howard Ashman, il est décédé. C'est celui qui a fait les. Il était décédé justement en 91. En 91. Donc, il le cite parce que c'est lui qui a fait les paroles des chansons de base. Donc voilà, qui ont été peut-être modifiées, je sais pas. J'ai pas écouté la VO, donc je pourrais pas vous le dire. Mais voilà. Bah, le sens des chansons est toujours le même, heureusement. Oui, heureusement encore. et sinon je crois que c'est tout scénario, ouais comme j'ai dit il y a l'enchanteresse qui est un peu plus un genre de rôle un peu bizarre parce que elle est là sans être là, elle passe, elle on sait parle pas vraiment pas. Qui c'est a priori c'est quand même elle qui narre au début du film, ouais et puis, enfin, j'espère parce que moi c'est la citation que j'ai mis dans ma critique sur le site, alors bon. On espère. Mais a priori si c'est elle, hein. Je vois pas quel autre personnage féminin, et puis j'ai pas vu en fait de VF pour la narratrice. Oui, donc a priori, oui, moi non plus. Oui, donc elle avec la scène dans la forêt, tout ça, moi je trouve pas nécessaire, je trouve un peu longuette. Et aussi la scène où on apprend que la mère de Belle a eu était une victime de la peste. Et c'est pour ça que son père a dû quitter. Ça c'est vraiment tout nouveau, hein. C'est aucune aucune allusion dans les autres adaptations. Voilà, c'est ça. On ne sait rien de sa mère dans aucune des autres adaptations. On sait qu'elle est décédée, quoi, c'est tout. Oui, voilà. Ouais. Et même dans le Disney 91, on sait rien. Il n'y a aucune allusion à sa mère. Oui. Ouais, donc Voilà. Ce que je voulais dire encore, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, moi, franchement, j'ai passé un très bon moment. Je le conseille, même si en VF, c'est un peu bizarre à voir. Ah oui, voilà. Je voulais parler de la réalisation. La réalisation de Bill Condon, qui, pour moi, au niveau des scènes de comédie musicale, sont impressionnantes et je trouve que il a fait un super bon boulot, surtout au niveau de la scène, je cherche le nom en français, Tuons la bête, voilà, oui. Mob Song, qui est vraiment impressionnante. Il y a aussi la scène de Gaston, de la chanson Gaston, qui est vraiment bien mise en scène, bien chorégraphiée, voilà, enfin, et je crois que c'est la plus longue, hein. Ouais. Des chansons. Oui, je crois aussi. Enfin, après, oui, celle de Belle est longue aussi. Ouais, comme elle dure, enfin. Puis elle est reprise en plus après. Il y a des moments de dialogue et puis après il y a de nouveau la chanson. Donc voilà. Oui, aussi au niveau des fonds. Alors c'est, je parle au niveau des paysages. Oui, Morgane, ça l'a choqué apparemment. Moi, j'ai eu un peu de mal, ouais, avec les paysages. Je trouvais qu'ils faisaient vraiment très. Ah oui. Virtuel. Ouais, ça m'a un peu choqué au début. Bon, on les voit pas trop. J'ai pas trop fait gaffe, moi, en fait, je pense. On les voit pas trop, alors ça va. Mais oui, quand elle monte sur la colline et qu'on voit le village et derrière la montagne et tout ça, m'a un peu. Ça faisait trop numérique pour moi, je trouve. Ouais. Mais sinon, ça, c'est du détail, hein, c'est vraiment. Le logo d'ouverture de Disney, par contre, qui était sympa. C'est sympa, ça, c'était une bonne idée. C'était une bonne J'aime idée bien quand Disney modifie un peu leur logo comme ça, de temps en temps. Ouais, voilà. Et ils ont intégré le château directement, et puis en plus. Ça, comme ils avaient fait pour. Parce que quand j'ai revu Cendrillon, j'ai dit, j'ai changé pas le logo pour Cendrillon. En fait, je suis con parce que c'est le logo Disney qu'on connaît. C'est le château de Cendrillon. Il y a qu'en France qu'on a le château de la Belle au Bois Dormant. Ouais, c'est vrai que. Et Maléfique, ils avaient fait un château plus médiéval, du coup. C'est sympa, mais je trouve que c'est bien qu'ils fassent. Ouais, et en plus, ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'il n'y a pas de transition, quoi. Ouais. Tu passes du logo au château à l'histoire. Mais comme Maléfique, pareil. Ouais, comme Maléfique, ouais. Et non, c'est vraiment bien. Donc, moi, je vous le conseille. Si vous pouvez le voir en VO, regardez-le en VO. Mais a priori, c'est pas évident. Ouais, je sais pas s'il passe quelque part en France en VO, mais voilà, ça reste un bon moment à passer, et si vous êtes fan du film d'animation, donnez-lui une chance, parce que je pense que vous pourrez retrouver des bons moments, et des petits moments supplémentaires qui font un peu plaisir, qui font un peu fanboy, enfin c'est faire plaisir aux fans, mais... Après c'est vrai que voilà, faut quand même dire que si vous vous attendez à quelque chose d'original, c'est pas Maléfique, c'est pas une relecture. Non, c'est une adaptation avec des choses modifiées, des choses un peu supplémentaires, mais ça va pas plus loin que 5 minutes de plus que dans le film. Hein. C'est, oui. Allez, 10 minutes à tout casser. Après, donc, voilà. Juste au niveau des détails, il y avait un petit truc qui m'avait un peu interpellé, c'est que la bête dit que l'enchanteresse lui a fait des dons, alors qu'il est censé être maudit. Donc il y a la rose qui se flétrit, donc c'est pas vraiment un don. Mais il y a le miroir qui lui permet de voir... de voir à sa guise. Donc ça, c'était déjà présent dans le dessin animé. Oui. Par contre, il y a le livre. Ah oui, le livre. Voilà, c'est ça, en fait. Ça, par le livre contre, qui transporte à Paris. Ouais. Elle n'est pas nécessaire, la scène, mais... Et il les transporte vraiment parce qu'elle ramène un objet. Ouais. En plus. Oui, elle ramène la fleur que sa mère avait embrassée. D'ailleurs... embrasser une fleur quand on a la peste. Bah, niveau hygiène, après, c'est pas top. Hein. Voilà. Mais bon. Ouais, en plus, je sais pas si c'était une fleur en verre ou pas en plastique. Mais en verre. Non, il n'y a pas de plastique. ouais, c'est vrai qu'il y a certains trucs. Cette scène-là, j'ai trouvé que c'était peut-être pas. Et il y a. Du coup, ils ont été obligés de modifier ça quand Belle et son père s'échappent de. Est-ce que du coup c'est pas Zip qui vient les libérer? Ouais, alors parce que quand je l'ai et heureusement dans le dessin animé, parce que dans le dessin animé, enfin dans le film, ça aurait pas eu bizarre. Ouais, justement quand j'ai vu le dessin animé juste avant, je me suis dit heureusement qu'ils ont pas fait ça parce que ça aurait été tellement cheap et tellement horrible. Parce que normalement c'est Zip qui met en marche un mécanisme que le père de Belle a la développé. Machine pour le bois là. Pour le bois. On sait pas pourquoi elle est là d'ailleurs, mais bon, on fait comme si on n'avait pas vu. il met en place le truc et après il arrive à défoncer la porte où ils sont enfermés. Là, c'est plus crédible. Elle prend une de ses épingles, elle le donne à son père, comme elle le faisait d'ailleurs quand il faisait son horloge au début du film, où elle avait toujours le bon instrument au bon moment avant qu'il lui dise quelque chose. Et puis il croche la, enfin la serrure. Et puis c'est crédible voilà. Parce que bon, il est inventeur, donc il est. Voilà, c'est il ça. Il est doué de ses mains, il est malin. Oui. Donc, C'est intelligent d'avoir fait ça parce que heureusement qu'ils n'ont pas fait avec Zip qui arrive. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ou on a, je pense qu'on a fait bien le tour. Oh bah oui, ouais. On est arrivé sur des petits détails, mais voilà, c'est toujours plus intéressant. C'est toujours intéressant de comparer toutes ces adaptations, pardon. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour ça et ben on va passer du coup, on va juste dire rapidement quelle est notre adaptation préférée. Donc je vais te laisser. Ah bah moi c'est la version de Disney 91, La Belle et la Bête. Ouais. Tout simple. Okay. Enfin pas la version 2017 que j'aime beaucoup. Après oui, ce serait je sais pas. Si tu devais les classer. Si je devais les... c'est ça qui est dur. Bah, ouais. En dernier, ce serait évidemment la version de Christophe Gans. 2014, ouais. Parce qu'elle est la moins réussie, de toute façon, objectivement et personnellement. Mais après, c'est vrai que la version de Cocteau, ça reste quand même un film que je reverrai pas tout le temps. Ouais. Parce que, bah, c'est... Oui, évidemment, c'est beau, c'est un film qui est nécessaire à notre culture, mais après, est-ce que c'est un film... Je peux pas vraiment dire que c'est un film devant lequel j'ai pris du plaisir, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, donc je pense que du coup, par définition, ce serait le Disney de 91, le Disney de 2017, et après les deux autres versions qui restent. Donc Cocteau et puis Gans. Mais voilà. Eddie est vendu aux Américains. Non, je ne dis voilà, mais je dis pas en aucun cas que la version de Cocteau est moins bonne que la version 2017. Loin de là. C'est évidemment qu'elle est elle est bien mieux. Elle est bien plus réussie, bien plus intéressante même, parce que c'est pas l'adaptation d'une adaptation. mais après personnellement, oui, je sais, je reverrai plus facilement, puis je le reverrai plus facilement. Parce qu'après, voilà, c'est ça en fait quand je dis que c'est pas toujours évident de se remettre dans des vieux films, c'est que le cinéma, bien sûr, c'est un art qui est très vieux maintenant, évident de se remettre dans le contexte aussi de l'époque et tout. Les contemporains évidemment ont plus de facilité à regarder. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le cinéma d'aujourd'hui. C'est parce que ils sont nés dans les années 80, donc ils ont été bercés par des films d'action des années 90. Donc tout ce qui sort aujourd'hui, ça leur paraît beaucoup plus aseptisé. Alors que nous, c'est pas notre cas. Ouais. Moins. Donc du coup voilà, c'est comme ça que je les classerais. Mais évidemment, c'est un classement personnel. C'est pas du tout objectif. Voilà. Ouais. Donc moi personnellement j'ai beaucoup de mal parce que j'adore la version de Cocteau, mais mon côté fan de musique l'emporte sur mon fan de cinéma sur ce coup-là, et fan d'animation aussi l'emporte sur eux. Donc ce sera le film de 91, La Belle et la Bête en premier, pour les musiques, pour l'animation et pour la perfection du film. C'est ça. que dire d'autre. Voilà. Ensuite, ce sera Cocteau parce que j'aime beaucoup, j'adore ce film. C'est vraiment un film. Même si il faut prendre le temps de le regarder, c'est sûr qu'on va pas avoir une sensation immédiate de plaisir en regardant c'est film. C'est ça. Mais en l'ayant vu, il y a une sorte de c'est agréable. Quand même, oui. Un petit peu, et tu sens que tu as regardé quelque chose d'important, c'est un bon film, c'est voilà. Donc Cocteau en deuxième, et puis après la version 2017 de La Belle et la Bête, parce que voilà, moi je la trouve quand même très réussie. C'est la meilleure adaptation live de film Disney, au niveau des chansons, c'est cool, même si bien sûr, comme je l'ai dit 3000 fois, mais je préfère les versions VO, ensuite Gans, qui ne démérite pas. Non, bien sûr, non, faut pas se dire que voilà, c'est le navet de notre podcast, hein. Non, c'est loin tout. De là, hein. On a parlé d'aucun mauvais film dans ce podcast. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des défauts sur celui de Gans, mais il y a aussi des qualités et qui restent appréciables malgré tout, donc voilà. Je crois qu'on a tout fait. On a tout fait. Moi j'ai très très donc, soif. Moi aussi. ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de podcast. C'est vrai. Donc fallait se remettre un peu dans le bain. Oui. Mais ça fait toujours plaisir de parler de ça. Et en plus là on parlait de films qu'on adore. Donc. Et oui. c'est bien. C'est pas comme quand on parle de films qu'on déteste ou qu'on n'a pas aimé. C'est un peu plus compliqué. Là c'était très sympa. Donc merci Eddie d'avoir participé, d'avoir pris ton temps. Je t'en prie. Ce fut avec plaisir. Et puis merci aux auditeurs d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je sais qu'on n'a pas fait d'émission pour février et on n'a pas fait de Parlons Cinéma pour plein de raisons différentes et variées. C'est compliqué. On va pas rentrer dans les détails, mais On va revenir. Voilà. Ce podcast officiera comme un podcast de mars, on va dire, puisque moi personnellement j'ai pas vu d'autres films qui sont sortis en mars. Je voulais voir Miss Sloane et j'ai pas encore eu le temps. J'aurais bien voulu parler de Silence, parce que je l'ai pas vu. Mais j'ai pas eu le temps non plus. c'est ouf, hein, parce que y a plein de films qui sont sortis en février et mars. Apparemment plein de bons films. nous deux, on n'a pas eu le temps de les voir, et c'est compliqué souvent d'aller au ciné. Enfin, c'est pas comme si on habitait à côté. C'est ça. On va essayer pour le podcast d'avril, du coup. Oui. De revenir en forme et motivé, et d'avoir vu au moins un film qui est sorti en avril. Je sais pas de quel film on parlera, on verra ça plus tard. Mais voilà, et le podcast Parlons Cinéma, j'espère, reviendra le 15 avril, 20 avril à peu près. Pour parler de ça, c'est tout. Je voulais juste vous mettre au jus, au parfum. Et donc maintenant, on va rappeler rapidement où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez tout retrouver, nos podcasts, nos émissions. D'ailleurs, Morgane, c'est qui poste beaucoup de ses critiques. Heureusement, parce qu'il y a pas. Le site est un peu vide. Ouais. Je m'en excuse aussi parce que c'est en ce moment. Moi, je suis aussi en plein examen, stage, préparation pour l'année prochaine. D'alternance, enfin voilà, très compliqué, je vais essayer de remettre un peu de vie dans le site, mais voilà, en ce moment c'est un peu compliqué, mais voilà, donc moviesnerd.net, vous pouvez retrouver d'ailleurs la critique du film live d'Eddie, le film live, La Belle et la Bête. J'ai pas fait de film live encore, moi. Film... Oui, c'est vrai, t'as pas fait de... mais on peut aussi retrouver ta critique du film d'animation de 91, bien sûr. Sur le site, donc voilà, en plus c'est directement dans les suggestions si vous regardez en bas de la critique, donc ça c'est Ah, j'ai bien. Pas fait gaffe, ah oui, d'accord. Parfait. Et voilà, moviesnerd.net, ensuite sur les réseaux sociaux, donc Facebook c'est moviesnerd tout court, et Twitter c'est movies_nerd. Vous pouvez retrouver, j'avais rapidement dit ça dans une émission très lointaine, le podcast Movies Nerd sur Sens Critique, donc vous pouvez noter l'émission Movies Nerd, vous pouvez laisser un mot, tout ça, je passe de temps en temps pour voir si quelqu'un a rajouté quelque chose, donc si vous le faites, je le verrai, PodCloud et iTunes, je suis désolé, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, donc il faut que je me remémore. PodCloud et iTunes, c'est très important, c'est le plus important en fait. Si vous aimez l'émission, allez noter sur iTunes ou sur PodCloud, ou les deux, ce sera encore mieux, des petites étoiles ou des petits cœurs sur PodCloud, je crois. C'est pour nous faire monter dans les classements et nous faire découvrir à d'autres personnes. Donc si vous appréciez, c'est toujours... ça fait toujours plaisir de pouvoir partager ça avec plus de personnes. Donc voilà, personnellement vous pouvez me retrouver sur Twitter et Sens Critique, TheLexal, THELEXAL, et voilà, je suis bientôt à la fin de mon défi Disney d'animation. Il me reste 5 films compliqués à voir parce que voilà, ça commence à être dur, les films là, c'est plus La Belle et la Bête, hein, au niveau de qualité. Ah ben non, mais c'est les films de guerre et tout ça, c'est vraiment pas, enfin il y a des trucs sympas, mais souvent on s'ennuie pas mal, mais bon, je vais le faire, et puis après normalement je continuerai DreamWorks, et puis voilà, ça va déjà faire pas mal, donc vous pouvez retrouver ça sur Sens Critique. Eddie. Eh ben moi c'est pareil, c'est sur Sens Critique, Movies Nerd, Twitter si vous avez de la chance quand j'y suis, ce qui est très rare. Si vous voulez voir les vidéos YouTube qui est dit. Oui voilà, si vous voulez suivre mon actualité YouTube, y a pas de problème. Facebook bien sûr, Eastark. Voilà, et puis c'est tout. Ben merci encore d'avoir écouté, merci d'avoir participé Eddie. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain podcast Movies Nerd, pardon, j'allais dire Parlons Cinéma. Movies Nerd, voilà, ciao. Ciao.